passe après? Bah, on prend plus confiance en soi, on rigole plus avec les autres. Moi, je suis devenu complètement quelqu'un d'autre, aussi bien mentalement que physiquement. J'ai croisé des gens qui me reconnaissaient pas dans la rue. Au départ, quand j'ai vachement maigri, on pensait que j'étais malade. Mais je suis devenu vraiment quelqu'un d'autre. Au boulot, n'importe où dans la rue, je suis plus confiant. Ça change la vie. C'est toutes les choses, quoi. Ah, super. Voilà. Franchement, si t'es heureux, c'est le top, hein. Reste avec nous. Il y a Cécilia aussi de Maubeuge. Bonsoir, Cécilia. Salut. Bonsoir, tout le monde. Ah, Thomas, je crois qu'il voulait passer une dédicace aussi. Cécilia, tu as perdu du poids, toi aussi? Oui, j'ai perdu 47 kilos. Ah, félicitations, parce que j'imagine que c'était chiant pour toi de les perdre, ces kilos. C'était pas évident, oui. Comment t'as fait? Oui, voilà. Bah, j'ai fait une opération, c'est pareil, j'ai fait la FIV. Je l'ai fait il y a 9 mois et j'ai perdu 47 kilos. Je suis passée de 115 kilos à 68. Bon, c'est très efficace. Mais encore une fois, je le rappelle, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et ciao. Après, il faut une surveillance médicale, voir s'il n'y a pas des carences, des suppléments en vitamines, parce que défaut d'alimentation, on s'alimente fort peu et il faut vérifier que l'organisme ne soit pas carencé en éléments essentiels. Matez le timelapse, franchement, c'est juste hallucinant. On vous le met là sur le Facebook de l'émission. Cécilia, tu voulais rajouter un truc? Je voulais faire une petite dédicace si c'était possible. Allez, vas-y, bien sûr, ma chérie, on t'écoute. Dédicace à Gianni, Coralie, Lulu, une dédicace à Nano, Cara, Ruby, et puis la petite dernière émeraude qui vient d'arriver. Ok. Félicitations. Et Thomas, toi aussi, tu voulais faire un petit message, je crois. Ouais, je voulais faire une petite dédicace à l'équipe du petit resto chez Ch'ti où je travaille, à ma femme, à la team mercredi, à mon frangin Vincent qui est en train de m'écouter actuellement. Eh ben, salut à tous les auditeurs de Love in Fun. Salut Thomas et Lucas, notre auditeur du soir, qui a terminé avec des petites blagues tout à l'heure, très sympathiques, hein, à mourir de rire. Beaucoup de réactions, Lucas. T'as tout déchiré, mon poteau. Tu veux passer aussi une petite dédicace ce soir, toi, Lucas? Ouais, une petite dédicace à Soufiane, voilà, qui est auditeur Fun Radio et qui vous écoute là. Eh ben, merci beaucoup. Mon Lucas, bon courage pour demain. Hein. Ouais, merci. Tu te réveilles à quelle heure demain? 6h40. Et moi, je vous admire. Franchement. C'est l'heure à laquelle Karel se couche. Ouais. En ce moment, avec vous, ouais, c'est clair. Salut, mon Lucas. Salut. Salut. Ciao, ciao. Et rendez-vous dès demain sur Fun Radio. À partir de 20h jusqu'à 22h tous les soirs. Ouais. On est là du dimanche au jeudi. Elles sont là, Doc? Je sais, je les ai vues. Je les aperçois. Bonsoir. Bonsoir, les filles. Ça va bien? Je n'ose rien dire, mais très bien. Ça va, mais je pense que l'heure des règlements de compte est arrivée. Ah, attends. Bon, pourquoi? Non. J'avais prévenu, je ne pouvais pas. Non, parce que vous le savez, on a fait l'anniversaire d'Anso vendredi soir. Oui, mais j'étais là par le cœur. Arrête. Avec toute l'équipe de Fun et toute la semaine, Karel, Doc, mais on est invité, hein, mais ça va être bien et tout. Et là, walou, il y avait juste Kassim. Non, mais, alors, je vous explique. Au moment de partir, en fait, mon fils a vomi sur moi. Ça, ouais. Il était malade, du coup j'étais obligé de l'emmener aux urgences, à l'hôpital, et pendant ce temps-là, j'ai essayé de joindre Anso. Attends, j'ai pas fini. J'étais en train d'essayer de joindre Anso, mais elle était avec Anton dans un lit. du coup, avec son pote. Enfin, je sais même pas si c'est son pote ou son copain. Enfin, tu vois. Non, c'est juste un pote. Hein. Et ça, c'était après la soirée. tu vois, donc je suis au courant de ce qui s'est passé après la soirée. Bon, c'est pas mal comme excuse. Doc, ton excuse, c'est quoi? Doc. Moi, j'étais de garde avec Lily. Il est trop fort, Doc. Il est impatable. Ça passe toujours, cette excuse. Très bon. Et alors, Alice avait une meilleure soirée, à priori. Ouais, en fait, non, c'était pas une meilleure soirée, mais j'avais déjà une autre soirée de prévue, et voilà, donc okay. Je me suis un peu défilée, quoi. Mais alors, Kassim était là. Ouais, c'était le représentant, ouais. Et Anso a des meufs, des copines qui sont vraiment bonnes. T'as fait des dégâts, non? J'ai vraiment raté ma soirée. Je le dirai pas. Tu diras pas, d'accord. Bon, on se retrouve l'année prochaine. Gros bisous les filles, amusez-vous. Salut. Bien. Salut. Bisous. Ciao, le Night Show présente. Je suis passé dans le Night Show avec Anne Show. Je suis passé pour un marron chaud. J'ai bu de l'eau. Yes, j'ai réussi. Voilà, c'est bien, mais c'est pas dans le texte. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Je suis passé au Night Show. Show, show, putain. Et vous, quand est-ce que vous passez au Night Show? Je suis passé au Night Show. Découvrez les bonnes raisons de passer au Night Show en écoutant Marion et Anne Show de 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs. 22h minuit. Welcome to the Night Show. La Marion et Anso, le Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio. On est hyper contents de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. On est dimanche soir, on est en direct. C'est Marion et Anso. Je suis Anso, la petite blonde à franges. Wow. Et je suis accompagnée tous les soirs de Marion, la petite brune à franges. C'est moi. Bonsoir Anso. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, très bien, forcément, on a fait un week-end de teuf. On a fêté mon anniversaire vendredi soir avec une grosse partie de la radio et tous mes potes. Et je crois qu'on a bien fêté cet anniversaire. Hein. Ah, franchement, c'était une très bonne soirée. Alors, est-ce qu'il y a eu des doses ou pas? C'est la question. Moi, je suis partie assez tôt. Non, il n'y a pas eu de dossier. Moi, je suis partie à la fin, évidemment. Eh, mais on peut se dire que t'as été pourri gâtée ou pas? Pourri gâtée, j'ai eu une montagne de cadeaux. C'était Noël, quoi. Franchement, merci à tous les gars, à tous tes amis, à toute l'équipe de Fun. Ils t'ont mais pourri, j'ai jamais vu ça. Mais moi non plus. Je croyais que ça allait jamais s'arrêter en cadeau. En tout cas, on a passé une bonne soirée. On vous a snappé 2-3 trucs là sur Marion Enso. Ah bah non, c'est plus dispo. C'était vendredi. Bah oui. On les a enregistrés. On va vous faire un petit best-of de la soirée. Et puis bah ce soir, énorme soirée. Déjà, j'aimerais vous dire bonne dernière soirée avant la reprise des cours demain. J'ai vu là le hashtag premier lundi de cours. Vous l'avez déjà mis en TT. Je sais que vous êtes à fond dans les délires là, mais bon courage. On est avec vous. On va kiffer ce soir. Et ça va être cool. Déjà pour vous, on a prévu Capucine à Nave, les gars, c'est-à-dire qu'elle vient nous voir pour la sortie de sa web-série en coloc. Ouais. Elle sera là tout à l'heure. Alors, si vous êtes fan de Capucine, 01 42 48 5000 déjà pour lui poser une question. Et si Capucine, c'est pas trop votre truc, tout ça, et ben restez quand même, parce que croyez-moi, on lui a réservé de grosses surprises. On vous prévoit une grosse surprise. On peut donner un indice quand même? Oui. Ce soir, dans l'équipe de Marion et Anso Night Show, il y a un membre de l'équipe dont vous entendez parler tout le temps, mais qui n'est jamais en studio, qui sera avec nous ce soir. Voilà. Bel indice. Voilà. Et ce soir, on va écouter du bon son aussi. Il y aura Mo. Alors, Mo, c'est qui? C'est lui. Ah, c'est elle. Moi, je sais. Elle a chanté avec Major Lazer. T'as qu'à pas me laisser répondre. Pardon. C'était quoi le titre? Bah, Linon. Voilà. Ouais. Il est mortel, ce titre. J'adore la voix de cette nana. Et puis, on écoutera le nouveau Feder aussi. C'est Feder, à chaque fois il fait des titres comme ça où tu dis waouh, au début c'est chelou et en fait tu finis tout le temps par les kiffer. Il a un univers de malade, ce ouais, mec. J'aime bien. Alors, ce mec. Appelle-nous Feder là, 01 42 48 5000. Ce soir les amis, ce sera aussi le retour du Poké Lost, le premier de la semaine. Donc si vous voulez vous inscrire, Marion et Anso @funradio.fr. Le principe est très simple, vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en train de chasser du Pokémon. Facile. Ouais. On vous offre des billets d'avion pour Londres avec Vueling, ça c'est beau. Et il y a du casque DJ aussi à gogo. Enfin bref, c'est l'émission, j'ai l'impression The Place to Be quoi. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Salut Marion, salut Anso, comment ça va? J'ai vu que vous avez balancé des photos tout à l'heure. Je suis tombé sur un snap d'un salon mode. Ah oui! Ah oui, on était à un salon mode cet après-midi, on a pris des photos. J'avais l'impression d'être d'une top modèle. Une superstar. Et moi, j'ai un gif de Anso qui tape une démarche de mannequin. Ah bah balance-la! Non, tu vas pas la balancer, je fais une tête horrible. Franchement, elle est canon. C'était un bon moment en tout cas qu'on a passé. On vous mettra les photos là dès demain sur les réseaux. Exact. Alors, les filles, je voulais vous parler d'une nouvelle application et puis tous ceux qui nous écoutent aussi. Tout le monde aime marcher ou pas? Ouais, ça va, j'aime bien marcher. Ouais. Alors, ouais. Si je vous dis que maintenant on pouvait marcher et gagner de l'argent en même temps. Ah bah là tu m'intéresses. Eh bien c'est une application qui n'existe pas encore en France mais qui va bientôt arriver, qui s'appelle Sweetcoin. Et en gros ça vous motive à marcher. Et plus vous marchez, plus vous gagnez de l'argent. Mais comment ça se fait? Qui te paye? Alors c'est l'application tout simplement. Ah bon? Derrière il doit y avoir un délire de business et tout. Mais ça ils en parlent pas pour l'instant. Ils vont perdre de l'argent, c'est pas possible. Eh bien en tout cas là c'est sorti au Royaume-Uni. Attends, est-ce que l'appli est payante? Parce que là, non. C'est un bon moyen de gagner de l'argent. Non. L'appli, elle n'est pas payante. Par contre, il y a un truc cool. Vous gagnez de l'argent, mais vous pouvez reverser cet argent après à une assos. Ouais, mais si vous êtes un crevard, vous avez le droit de gagner. Enfin, n'imaginez pas non plus gagner 1500, 2000 euros. Hein. Pourquoi pas, si on marche beaucoup? Si on fait Dunkerque-Marseille, par exemple. Ah, tu vas peut-être gagner ça sur 10 ans. Ok. Ouais. Bon, et tu nous diras quand elle sort en France, parce que Amir, il nous présente toujours des applications qui sont à l'étranger. Ouais, mais il est avant-gardiste. C'est bien, Amir. Je suis avec du futur. Sinon, je peux vous parler de Snapchat si ça vous intéresse. Non. Ça vient de sortir. Non, en tout cas, t'es bien présent sur les réseaux ce soir. Là, tu vas tout nous lire. Marion et Anso partout. Twitter, Facebook, Snap, Insta. Et j'en passe. Et YouTube, évidemment, la chaîne. Ouais, c'est parti. Bonsoir, Thibault Larrea. Bonsoir, les filles. Comment il va, ce bichon? Bah, ça va, j'ai appris un truc, moi, en fait. On m'a appris, genre, que une heure, c'était 60 minutes. On m'a appris qu'une minute, c'était 60 secondes. Mais en fait, on m'avait jamais appris qu'une seconde sans vous, c'était l'éternité. Oh là là, quel ringos. Elle est mais pas mal. Surtout, il a eu tellement de mal à la cracher, ça. Alors qu'il l'a préparée toute la journée, quoi. C'est ça, le gars. Bon, c'est mignon quand même. On prend, mon Thibaut. Bon, alors ça va. Bonsoir, Enzo du Standard. Bonsoir, les filles. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va, bichon? Ça va super. Un peu dans le jus, mais ça va. Bon, toi aussi, t'étais là avec nous vendredi soir. T'as passé une bonne soirée? J'ai passé une excellente soirée. Et j'ai passé ma soirée à penser à Enzo. Il était très en forme, Enzo. Ouais, j'étais très en forme. J'étais très dur aussi. Comment très ça dur. Oui, en voyant Enzo, elle était très belle avec sa nouvelle coupe. Oh, mais ça a pas. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ouais. Enzo s'est coupé les cheveux. Ouais, on va mettre une photo. Coupé les cheveux, ouais. Sur Insta et tout, on va mettre une photo. Ouais, mais ouais. Si vous voulez, allez-y. On est sur un carré, quoi. Ouais. Bon, Bichon, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Mickaël, il était passé avec nous lundi dernier pour parler de sa première fois. Ah oui. Et vous voulez faire une petite piqûre de rappel. Mickaël qui avait pris du Viagra. Ouais. Ouais, ah oui. Le truc à pas faire, surtout pour une première fois. Du coup, je resitue un petit peu. Il avait pas réussi à bander sur le coup parce que ça n'avait pas fait d'effet. Ouais. Mais après, il avait une érection continue et on embrasse le papa qui a accompagné une auditrice qui est dans les studios et qui est en train de se dire mais qu'est-ce que je fous là, bordel. Bonsoir monsieur. Bonsoir Mickaël. Salut les filles. Ça va? Ça va, tranquille. Ouais, je suis super content. Bon bah ouais, parce que toi on t'avait grondé, on s'était dit mais qu'est-ce que c'était cette histoire là, faut pas prendre surtout à 16 piges du Viagra. Oui, j'ai écouté vos conseils. D'accord. Et au final, ça s'est super bien passé. Bon, au début, je vais pas vous cacher, j'étais un peu stressé. L'as fait naturellement, sans rien. Voilà, sans rien, j'ai juste parce que j'étais un peu stressé, on a fait un petit apéro tranquillou, enfin j'ai bu une bière et elle a bu une bière aussi, enfin c'est tout, voilà. Ouais. Et après ça s'est fait naturellement, tout s'est bien passé. Bon, c'était un peu rapide parce que voilà, c'était la première fois, c'était pas normal. Okay. Mais franchement, j'ai kiffé. Et elle aussi, elle m'a dit qu'elle avait kiffé. Et du coup, vous êtes parti sur l'autoroute du kiff, quoi. Voilà, on a fait sans s'arrêter, ligne droite. On est d'accord, Mika, t'as mis une capote. Oui, quand même. Bon, t'es fort. J'ai envie qu'on t'applaudisse parce que bravo, un sans faute. Ah ouais, franchement, nickel, le dépucelage réussi. Bravo Mickaël, nous sommes fiers de toi. Tu nous rappelles pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois, tous les jours. Mais t'inquiète, y'a pas de soucis, je vous rappellerai tous les jours pour vous dire quand c'est que... Voilà, trop mignon. On t'embrasse Mickaël. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils. Eh ben on t'en prie, on est là pour ça mon poteau, bisous. Bisous, à bientôt. Ciao. Bon, dans un instant sur Fun Radio, nous allons parler cinéma. Oui. Puisque nous sommes dimanche et que le dimanche, sur la télé, il y a quoi ? Cinéma. Des films. Du cinéma, tout à fait. Merci Amir, merci Marion, vous suivez. Donc appelez-nous 01 42 48 5000, on a envie de parler des répliques de films. Ouais, les meilleurs selon vous. Voilà, vous nous appelez dès maintenant, on fait de la radio ensemble, on passe de l'extrait, on rigole et on est en direct jusqu'à minuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sigala pour démarrer l'émission, c'est tout de suite sur Fun Radio. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. I need it. Give me your heart. I'm bleeding. Give me your love. I need it. Oh, yeah. Oh, yeah. treat you like I could. Stop your searching around. I can't do this anymore. So give me your love. Marion et Anso, le Night Show, et bah c'est nous là, en direct du dimanche au jeudi, il est 22h13. Capucine débarque dans l'émission dans quelques minutes. Mais avant ça, on avait envie de parler avec vous cinéma. Oui. Pour vous, quelle est la meilleure réplique de film, la réplique la plus culte? Appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis on va se faire un petit tour de table. Là, j'ai envie de commencer par Anso. Alors moi, la réplique de film, c'est dans La Cité de la Peur. Tout le monde connaît ce film avec, ouais, Alain Chabat, Chantal Lobby, enfin toute la clique des nuls. En fait, c'est quand le commissaire Bialès, ouais, demande à Chantal Lobby, vous voulez un whisky? Elle dit oui, merci, juste un doigt. Et il répond, vous voulez pas un whisky d'abord? Attends, ouais, on l'a, je te la passe rien que pour toi. Merci. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt? Vous voulez pas un whisky d'abord? Ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est la réplique qui résume un peu toutes tes soirées. Ça, elle a bien choisi Anso. C'est vraiment une garce. C'est pas bien. Moi, la mienne, vous la connaissez forcément tous. Elle est culte et c'est plus récent que toi. C'est sur le film Camping. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Elle est bien celle-là, je l'ai aussi. Attends que je te la trouve. Tac, tac, tac, il est où mon patoche? Alors, on n'attend pas Patrick? Il est drôle, hein, ce Franck Dubosc. Moi, je l'aime bien. Je l'ai pas vu par contre le dernier. Moi non plus. Le 3, ouais. Eh ben, vous voulez pas qu'on y aille tous ensemble? Il est plus en salle, hein. Super sorti. Amir, ouais, c'est quoi pour toi? Alors, moi, il y en a un que j'ai kiffé. C'est très vieux, mais par contre, je kiffe. C'est Cours, Forest, Cours. Vous rappelez? Ah, ouais, bah, bien sûr. Ouais, c'est culte quand même. Cours, Forest, Cours! Oh, bah. Ah, j'adore. Ouais. Alors, ça, pour les plus jeunes, si vous l'avez pas vu, franchement, c'est un film hyper touchant. Forest Gump, il faut absolument le voir. Ouais, ça chiale, hein, par contre, à la fin. Ça, ouais, chiale un peu. Eh ben voilà, c'est tout. Merci Amir. Enzo du Standard, est-ce que t'as une, ouais, réplique culte toi? Moi c'est le t'es là ou t'es pas là? T'es pas là ou c'est que t'es? Eh, il le fait archi bien ce con. Écoutez la vraie, c'est vraiment la même chose, hein. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là, t'es là ou t'es pas là? T'es pas là ou t'es que t'es? T'es pas là ou c'est que t'es là? T'es là, t'es là ou t'es pas là, avec un T, comme Tuche, comme t'es là. Tuche, t'es là. S'il te plaît Enzo, ouais, refais-moi vite fait. Ok. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là ou c'est que t'es? T'es comme Tuche, comme t'es est là. Ok, moi je suis judoka. Voilà. Il est génial. Appelez-nous 01 42 48 5000 et partagez avec nous vos répliques préférées de films cultes. Ouais. On fait de la radio ensemble, ouais. Allez, bougez pas. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur Fun Radio. Major Lazer. The Parakeet. Hey, it's Martin Garrix on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Banzai Noodles de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodles de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, bougez plus. Bannure. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Mercredi au cinéma. Fun Radio présente Run & Mix, la nouvelle sensation des courses fun en France. Au programme de la Run & Mix, une course de 5 km de nuit dans des décors fluo déjantés. Et 5 heures de DJ set pour vous faire vibrer sur le meilleur du son dance floor. Mixé par Luca Divino au Parc des Expositions de Chambéry. Toutes les informations sur runandmix.com et funradio.fr. La première course Run & Mix à Chambéry, vendredi 30 septembre. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Moi et mes potes voix off, tous les soirs on écoute Marion et Anso, le Night Show. Faites du bruit les voix off. Le Night Show sur Fun Radio. Hashtag le Night Show sur Twitter pour réagir à l'émission. On vous lit et on vous répond. Voilà, on est une des seules émissions à faire comme ça, du live tweet en direct, donc profitez-en s'il vous plaît. Et là, on parlait des répliques de films cultes. Appelez-nous 01 42 48 5000. Pour vous, c'est quoi la plus belle des répliques de films? Ça peut être un ancien film, un film nouvelle génération. On n'a pas fait Thibaut à l'arrière. Non. Ouais. C'est quoi toi? Alors, moi, je suis fan d'OSS 117 avec Jean Dujardin. À un moment donné, il fait une blague avec les boules de Noël parce qu'il s'appelle Noël dans le film. Ah, mais ça aussi, il faut le voir. Si vous êtes plus jeune, écoutez, c'est génial. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Quand je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Il y a aussi les boules. De Noël. Oui. Il est con. Mais ce Dujardin, le rire, il est con. Le rire est génial. Et dans Brice Denis aussi, il en a tellement, genre cassé et tout. Franchement, ouais. Il me fait trop rire. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. On a Aline qui nous a appelé au 01 42 48 5000 et figurez-vous qu'elle est, elle est forcément chouette parce qu'elle est une nantaise. Ah. Bonsoir Aline. Coucou les filles. Ça va Aline? Ça va et vous? Ouais, t'as une super jolie voix. C'est gentil, merci beaucoup. Vous aussi. Merci chérie. Oh, arrêtez du doux. Pour toi, c'est quoi la réplique culte de film? Alors moi, c'est un film que toutes les filles adorent, ben, je pense. C'est On laisse pas bébé dans un coin. Ah, Dirty Dancing. Dirty ouais. Dancing. Ah, c'est Yeuve ça, non? C'est Yeuve. Est-ce que Thibaut Allara t'as ça? Tu l'as? Ouais, j'adore. Ça, c'est le générique. Et après, effectivement, ouais, c'est vieux. C'est Yeuve, mais ça traverse toutes les générations. Ah, toutes les nanas connaissent ce film. Je sais pas si mes neveux, mes nièces connaissent. Mais si, on a toutes très envie de faire l'amour à Patrick Swayze. Tu sais quoi, ils connaissent pas, c'est sûr. On va demander, parce qu'on a une petite auditrice. T'as quel âge, chérie, toi? 14 ans? Ok, et est-ce que tu connais Dirty Dancing? Oui, elle connaît. Ouais, mais elle est intelligente, ça se voit. Non, mais c'est vrai que c'est culte, c'est un film à voir, c'est beau, ça donne envie d'être amoureux. Voilà. Ouais, c'est ça. On valide ça. Merci Aline. Oui, oui, les filles. On t'embrasse. Ouais. Merci de nous avoir appelés, chérie. Et puis bon anniversaire en retard. Eh bien, merci. Merci. Et puis je vous fais plein de gros bisous, puis continuez comme ça. Pareil. Bisous Aline, toi continue comme ça, on t'aime. Merci. Bisous, bisous, au revoir bisous. Les filles. Continuez à nous appeler là au 01 42 48 5000, numéro gratuit. En attendant, j'ai envie qu'on joue ensemble, l'équipe. Est-ce que ça vous chauffe? Allez, oui. Je vais tester votre culture cinématographique. Vas-y. Je vais vous donner à chaque fois trois mots, trois indices pour deviner un film. Vous êtes prêts? C'est une question de rapidité. Fauteuil, bras, chocolat. Intouchable. Bien joué, Amir. Oh, gosse. C'est hyper dur comme jeu. Fauteuil, bras, chocolat. Intouchable avec Omar Sy. Chocolat, que... quel rapport? Ah, pas de bras, pas de chocolat. C'est bien, Amir. Ouais. Comédie, facteur, maroual. Ah, les ch'tis, bienvenue chez ch'tis. Bien, ouais. Anso. Ouais, c'est vrai. Très bien. Rongeur, chanteur, gaffeur. Ratatouille. Non. Non, il est pas chanteur. Hein, gaffeur? Ouais. Rongeur, t'as dit? Rongeur, Hibou. Chanteur, gaffeur. Bah, quand Enzo, standard, t'as une idée? Hibou? Mais non! Mais Alvin quoi, et les Chipmunks. Ah ouais, c'est dur à dire. Ah ouais. J'ai jamais vu ce dos, moi. Bah si. Dessin animé, cuisine, rat. Ratatouille. Bien joué, Anso. Bleu, jungle, Pandora. Avatar. Avatar. Elle est forte. Ballet, école. Harry Potter. Cicatrice, ouais, mais t'es trop forte. Et Harry Potter, de toute façon, c'est ma vie. Harry Potter, mais ça, faut tous les voir, c'est génial. Et y a, d'ailleurs, il y a le bouquin là, elle sort un nouveau bouquin de J.K. Rowling sur la vie du fils d'Harry Potter. On va après, faire une émission spéciale bientôt. S'il te plaît. Amour, océan, iceberg. Titanic. Ouais, pareil, culte, un peu yop, mais culte. Les gars, Amir joue sa vie. Hein. Attention, plus difficile. Enfin, facile, mais si vous êtes plus jeune, peut-être que vous connaissez pas et pourtant il faut le voir. Comédie, teubé, dîner. Le dîner de con, ouais. Il est chamé ce film. Ah, c'est facile, te bé dîner. Excuse-moi Amir. Excuse-moi, tu veux critiquer mes jeux ou quoi? Mais je rêve. Libéré, délivré, insupportable. La Reine des Neiges. Ouais, on est d'accord. Je l'aime bien. Vous êtes trop fort, vous connaissez tout. Non mais mec, Thibaut à l'arrière. Quand on parle de la Reine des Neiges, c'est interdit de mettre le son derrière. Parce que sinon tu t'endors avec, tu t'endors dessus, j'en peux plus moi. Ouais, j'adore. Ah non. Elle est hyper cool, je trouve, la meuf qui chante ça. Elle est super jolie en plus. Elle est très sympa, chanson est chiante, mais elle est très sympa. Il y a Romain de Limoges qui nous a appelé là. Bonsoir Romain. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Oh, bienvenue. Ça va Romain? Ouais, ça va et vous? Ouais, très bien. Alors dis-nous, c'est quoi pour toi la réplique de film? Alors moi, je vais essayer de vous la faire du nez. Je vais vous dire courir ou mourir. Courir ou mourir? C'est le nom d'un film, ça, non? C'est pas Riverdale? Non. Courir ou mourir, ça me dit donne-nous plus d'indices, Romain, parce que... Je vous dis voiture. Ah, Fast and Furious. Ouais, c'est ça. Ah ouais, exact. Ah ouais, mais ça, je les ai vus il y a longtemps, moi, je les ai pas tous vus, donc, mais effectivement, c'est culte. Ah ouais, ils disent ça, courir ou mourir. Ouais, ouais, ouais, ils disent ça. J'ai vu que le premier, mais il y en a eu 1000, non ? Il y en a eu. Il y en a eu. 7. Ouais. 7. Ouais. Eh ben, il y en a eu 7, il y en a un 8ème qui arrive, il y en a au total, il y en aura 10. Eh ben, dis donc, ils ont des choses à se raconter. Thibaut, à l'arrière, tu l'as, courir ou mourir ou pas ? Ouais, je l'ai, il est là. Eh, c'est courir ou mourir, tu te rappelles ? Ah ouais, voilà. Ah, d'accord, okay. Cours efficace quoi. Non mais en fait c'est super mignon, ils sont genre tous les deux côte à côte en voiture, ouais. Et elle est genre, elle a perdu un peu la mémoire et il lui rappelle cette phrase qui s'était dit genre avant, et normalement c'est censé faire tilt dans sa tête. Ah, tu veux dire c'est romantique? Ouais, c'est un peu, ouais, un peu sympa. D'accord. Romain, on t'embrasse mon chat. Bisous. Bisous. Salut. On a Louis aussi à Toulouse. Comment ça va à Toulouse? Salut, salut toute l'équipe. Salut. Salut la ville rose. Ouais, la belle ville rose. La forme Louis? Oui, et vous? Bah ouais, très bien, on t'écoute sur ta réplique. Alors, c'est soit je vous donne trois mots, soit je vous dis la réplique. Moi, comme vous bien. Voulez, pour fais vous donner pile. C'est nous dîner. Je vous donne trois mots ? Ouais. Ok, je vais vous donner vache, cité et... Bon, bien joué. Ouais. Ça, ah, j'ai rien à dire. Ah ouais, avec Vincent Cassel ? Ouais. Ouais, exactement, avec Vincent Cassel. Et moi que tu parles ! Il y avait Cut Killer aussi dedans, je crois. Ouais. Ah, j'adore, ouais. Qui mixait à la fenêtre, c'est culte. Bah voilà, bref, ce film. C'est pointu là. J'aime beaucoup ce film, on l'a ou pas? Ouais. Ça, c'est à moi que tu parles là. Oh, oh, oh, oh, oh, c'est à moi que tu parles. C'est, mec, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça. J'adore. Bon. Ah, ce Vincent, et alors il est très sexy. Hein. Ah, mais Vincent Cassel, je crois que c'est le fantasme de plein de meufs. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est pas un beau gosse, mais il a un truc quoi, il a un charisme de il ouf. Il est incroyable. Il ouais, a incroyable. Du chien. Il a c'est du chien. Ça. On aime. C'est le terme. Louis, on t'embrasse, merci de nous avoir appelé. Je vous embrasse aussi. Bisous. Merci à vous. Salut. Bisous. On a Hugo aussi. Hugo, il a 12 ans. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là. Alors Hugo, c'est quoi ton film culte à toi, la réplique ? Moi, c'est Terminator Hasta la vista baby. Ah ouais. Ah oui. Et tu vois Terminator pour le coup, parce que Terminator c'est vieux. Bah ouais, oui. Ouais, c'est un peu après il y en a eu des nouveaux aussi, non ? Ah, non. Je sais pas. Si. Ah bon. Tu l'as Terminator Thibaut à l'arrière ? Non, j'ai pas. Ah d'accord. Mais moi je l'ai pas vu. Si, c'est Schwarzenegger qui dit Hasta la vista baby. Et après il tire. Voilà. Et Hugo, t'es fan de ce genre de film ? Non, pas trop fan, mais c'est une réplique qui m'avait assez marqué dans le film. Ouais, et il dit I'll be back aussi, non ? Je reviendrai. Ah, en français. On va regarder tout à l'heure. Merci. Merci de nous avoir appelé Hugo. Bisous. De rien. Bisous. Amir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a de la réaction ou pas ? Ou il est pas prêt ? Ou je sens qu'il est pas prêt. Aïe, aïe, aïe. Allez, bah, tu fais de l'improvisation, tu lis tout le monde et puis c'est tout. Qu'est-ce que je te dise ? Alors pour réagir à l'émission, c'est hyper simple. Vous allez sur Twitter et ouais. Vous marquez hashtag The Night Show. Ouais. Et donc là, les premiers hashtags qui arrivent, donc je vais lire là-bas, ceux qui arrivent. Allez, suite. Vas-y, lis tout le monde, on s'en fout. Putain, je suis vraiment naze. Hein. T'es mais vraiment si, perdu. Alors, Luc, je suis ton père de Maxime PRD. Ouais. Ah bah oui. De Adongo, retour vers le futur. Papa, papa, pipo, papo. Vous connaissez ? Non, mal, ça ouais. Me dit rien comme ça, là. Si. Si. Qu'est-ce que c'est ? Ça me parle pas. Anso, explique, c'est quoi ? Je sais plus ce que c'est. Non, c'est Enzo de... standard. Normalement, c'est nom de Zeus dans Retour bah vers bah oui. Ah, pas, oui, mais papa, pipo, papo. Ah si, c'est quand le moteur il démarre peut-être. Ah ouais. Non, c'est pas ça, mais il y a un truc, je vais retrouver. Fanny, mais qu'il est con, monsieur Pignon, dans le ah ouais. Con. Ah ouais, forcément. Ma demi-sœur de 8 ans a vu 100 000 fois Dirty Dancing, quand même. C'est ah, 8 ans, ouais. Tu vois comme c'est culte. Oh, on ouais. Aime ça. Ah oui, c'est ça. J'ai retrouvé pour Retour vers le futur. C'est quoi ? Parce qu'en fait, en gros, il retourne dans le passé et il voit son père, mais son père sait pas que c'est lui son fils. Donc à un moment, il veut l'appeler papa. Mais il se rend ah compte oui, qu'il faut ah. Pas qu'il dise papa. Donc il dit papa, papa, papi, papo. Ah, d'accord, ok. Il y a Marc Online qui dit je suis ton père, Star Wars, évidemment, la réplique de base. Ouais. Comment s'appelle l'application qui te paie quand tu marches ? Ça, c'était pour tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Voilà. Bah, Star Wars. Tu peux le redonner quand même, le nom de l'appli. Ouais. Et il l'a fait. Sur... Non, mais non. Il l'a fait. Non, je l'ai mis sur la page Facebook, Marion aussi, ah, c'est okay. Sweetcoin. Ah oui, c'est ça. Ça marche. Il y a Alan aussi qui nous a appelé. Bonsoir, Alan. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Ça va, Alan ? Ah oui, bah, très bien. Hein. Alors, et dis-nous, Bichon. Bah ouais, ça va, tranquille. Dimanche soir à la cool avec vous, on est contente. Ah bah, ouais. Fin du week-end, hein. C'est dur. Tu fais quoi, toi ? Bah moi je travaille mardi. Et tu bosses dans quoi ? Dans une usine au Berflex à Longeville-en-Barrois. D'accord. Bon, allez, petit jour de repos au calme demain, c'est parfait. Ouais, ouais, tranquille. Dis-nous Bichon, c'est quoi ta réplique de film ? Ah, il va essayer de la faire bien. Bah moi c'est dans Les Visiteurs. Ah oui. Ouais. Donc c'est quand il arrive, c'est « Messire, la boîte à troubadour, elle a explosé !» Pas mal. Ah, bah, écoute, c'est très bien fait, Alan. J'étais dans le film. C'est vrai que Les Visiteurs, c'est culte aussi. Hein. C'est vrai, le 1 surtout. Le 2 était un peu moins bien. Ouais, mais qu'est-ce qu'il est bon, ouais. Clavier. Et le 3, je l'ai pas vu. Vous l'avez vu, le 3? Non. Ouais, il est raté. Ah bon, bah, voilà. Et bah, Alan, merci. Critique cinématographique. On t'embrasse, Alan. Merci de nous avoir appelés. Bah, merci, au revoir. Bisous. Bisous. Est-ce qu'on demande à Pépère de l'équipe si bah, lui, il a une réplique de film culte? Alors, Pépère, si vous ne connaissez pas, je vous préviens, il a pas de limite, il est fou, on ne cautionne rien de ce qu'il dit. Pépère, on t'écoute. Allô? Oui, Pépère. Bah, Pépère, lui, sa réplique préférée, c'est Je suis ton père. D'accord, dans Star Wars? Bah oui, parce que je dis toujours ça quand j'encule mon fils. Non, ça c'est pas possible. Ah ouais. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Ta gueule, toi. Non, comme mais ça, ça va pas, on peut pas démarrer comme ça la semaine comme ça, Pépère. Si. Bon, restez avec nous, 01 42 48 5000, c'est le numéro complètement gratuit pour nous appeler en plus toute la soirée. Et dans un instant, c'est le Wesh C'est Qui, le nouveau jeu du Night Show qui débarque juste après cette bombasse. C'est Mo sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Sur Fun Radio, on va accueillir la jolie Capucine Anav qui vient là pour sa web-série en coloc. Justement, Anso, est-ce que t'as déjà été en coloc, toi? Bien sûr, j'ai fait longtemps, très longtemps de la coloc. Est-ce que tu as des anecdotes sympas? J'ai plein d'anecdotes sur la coloc. Alors, j'ai une question, tu dis pas tout maintenant, mais est-ce que tu as déjà couché avec un coloc? Non, jamais. Ah bon? Ah bah, t'es hey, les gars, j'ai enfin un truc qu'elle a pas fait. Ah oui, bravo. Wesh, c'est qui? Wesh, c'est qui? On adore ça, c'est une nouveauté aussi du Night Show. Le principe est très simple. Vous vous inscrivez sur marion-et-anne-sor@funradio.fr. Il suffit de faire deviner 4 stars sur une liste de 6 à papa ou maman en l'espace d'une minute. Évidemment, c'est des stars un peu 2.0, donc ce qui est marrant, c'est qu'en général, papa ou maman se perd un peu, quoi. Ouais, c'est ça, mais vous avez le droit de tout dire pour leur faire deviner, c'est ça qui est cool. Et à gagner cette semaine au choix, le casque DJ ou les billets d'avion pour Londres grâce à Vueling. C'est plutôt sympa quand même, hein. Ouais, et c'est Mel qui joue avec nous de Versailles ce soir. Mel, tu veux jouer pour quoi, toi ? Casque DJ ou les billets d'avion ? Alors moi pour les billets d'avion. Ok Mel, on joue avec qui ce soir ? Avec papa ou maman ? Avec mon père. D'accord, Mel c'est ton prénom ou c'est un petit surnom ? Ah non, c'est mon prénom. Ah c'est sympa, j'aime beaucoup pour un garçon, moi, Mel. C'est gentil. C'est original, et t'as quel âge ? 16 ans, d'accord, donc on appelle papa qui s'appelle comment ? Virgile. Alors je rappelle pour tous les auditeurs qui nous écoutent que Virgile est déjà en ligne avec notre standardiste qui lui dit plein de saloperies le temps que nous on donne la liste de noms, ok ? Donc si vous êtes des papas ou des mamans, venez jouer pour avoir Yannick Le Salas. Alors, Mel, t'as de quoi noter ? Ouais, c'est bon. Ok, Anne Sauvage, donne un premier nom. Alors, tu vas faire deviner à papa Passepartout. Passepartout, ok. Moi je te propose Cristiano Ronaldo. Ok. Moi je te propose Christina Cordula. Ma chérie, bonjour. Moi je te propose Tal. Christina Cordula, Tal. Ouais. Fovoto. Ok. Oulala. Tu vois qui c'est, Fovoto. Ouais. Ok, je fais de la danse donc ça devrait le faire. Parfait. Et enfin on va finir avec Louane. Donc. Ok, c'est possible. C'est possible. Je récapitule, Passepartout, Cristiano Ronaldo, Christina Cordula, Tal, Louane et Fovoto. Il lui en faut au moins 4, donc s'il y en a un que tu sens pas, tu passes, t'hésites pas, tu peux utiliser ce que tu veux pour lui faire deviner, ok ? Ok. Allez, c'est parti, on récupère ton papa Virgile. Bonsoir Virgile. Bonsoir les filles. Bienvenue sur Fun Radio. Merci. Alors, comment ça va déjà ? Eh ben impeccable, j'espère qu'on va déchirer quoi. Il faut, parce qu'il y a quand même 2 billets d'avion pour Londres en jeu, quand même, c'est sympa. Avec tout ça. Pour aller faire du shopping, quoi. Voilà. Te rappelle les règles, je vous rappelle. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Virgile ? On peut se tutoyer. Alors, je t'explique. Tu as une minute pour découvrir 4 stars. Il faut aller vite, il faut être pertinent, il faut foncer dans le tas, quoi. Hein. Ok, Mel, je compte sur toi. c'est mignon. C'est bon. Vous êtes prêts ? C'est parti, les garçons. 3, 2, 1, on y va. Alors, Fort Boyard, il est tout petit. Comment ça Passepartout. Oui. Ok, c'est bon. C'est un joueur de foot portugais très connu, champion du monde. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ok. Oui. Elle dit dans les règles du shopping. Je crois qu'elle est dans les règles du shopping. Comment elle s'appelle Imite-la. Cristiano Cordula. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, elle est devenue jury de Danse avec les stars. C'est une femme rousse. Ah, la danseuse. Passe. Fauve. Ouais, c'est le nom de famille. Ok. Fauvoto. Ouais, c'est okay. Bien. Ok, et elle a chanté jour 1. Ah oui, comment ça s'appelle ? La blonde. T'as acheté le CD à l'IA. Oui, je sais bien. Je sais plus. T'as donné autre chose. Allez. Ok. Allez. Le tour de la vie. C'est terminé, les garçons. Alors, les garçons, on va faire les comptes. On va faire les comptes. Il a deviné Passepartout. Il a deviné Cristiano Ronaldo. Il a deviné Christina Cordula. Et il a deviné Fovoto. Les gars, ça fait 4. Bravo. C'est bon, ça. Ah ouais, c'est gagné. Très bon, excellent. Papa. Merci, oui. Non, mais en fait, il a bien fait deviner. Hein. Mais Virgile, on est d'accord que tu jouais ta vie là. Hein. Parce que t'étais sur un stress énorme. Franchement, bravo. Bonne connaissance du monde contemporain, tout ça. On valide. Voilà. On vous envoie à Londres tous les deux. Bravo. Super, merci beaucoup. Bisous. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, dans un instant sur Fun Radio, elle arrive, elle est belle, elle est fraîche, elle sent bon en plus, mais même si ça vous le voyez pas parce que vous êtes derrière votre radio. Capucine Anaf qui vient de nous parler de sa chaîne YouTube En Coloc qui est sortie aujourd'hui. 01 42 48 5000 pour lui poser vos questions et pour faire de la radio avec nous. Et on se retrouve juste après Martin Solveig sur Fun. Oui. 22h39, c'est Marion et Enzo, le Night Show. Et les amis, ça y est, c'est la première invitée de Marion et Enzo, le Night Show saison 2. Ouais. Capucine Anav est là, les gars. Capucine, je vais rougir, arrêtez. Bonsoir. Bienvenue. Je suis trop contente de vous revoir. Ah bah, nous aussi, ça nous fait super plaisir de te recevoir. En plus, on se connaît un petit peu. Un petit peu, ouais. Elle est adorable, Capu. Est-ce que tu la connais, Enzo? Bah, bien sûr, elle était sur Fun Radio il y a quelques temps. Ouais, il y a deux ans, c'est ça, donc on se connaît. On a fait quelques soirées, quelques surfaites. Exactement. Surpêtes. D'ailleurs, t'étais un peu bourrée, je pense. Elle m'a lâché les dossiers. Elle me connaît bien. Bon, Capu, tu viens nous voir pour ta web série qui s'appelle En Coloc et qui est sortie aujourd'hui sur YouTube. Exactement, sur YouTube et sur mytf1extra.fr. Donc, je suis super contente. Ça a super bien démarré. Et mais voilà. Grave, t'as déjà presque 20 000 abonnés. C'est juste énorme, en fait. Il y avait déjà des abonnés avant même que l'épisode arrive. Et c'est hyper bien. Tu joues super bien, Capu. C'est vrai? Ouais, vraiment. Bah, merci. Tu vois, j'avais jamais osé me lancer. J'enlève juste le casque parce que je m'en... Ah, tu t'entends, ouais, c'est désagréable. Ouais. Alors, après, pour entendre les auditeurs, vaut mieux que t'aies le casque. Ah, mais on va te changer le retour, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Non, pour dire que je suis super contente, on a fait 14 000 vues là en 4 heures. C'est énorme. Sur YouTube, donc je sais pas encore Mike TF1, je les aurai demain pour savoir combien il y a eu de vues, mais je suis trop contente. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qui ont pas encore vu le projet, on est d'accord, ça parle d'histoire de coloc, de toi avec des potes qui habitent ensemble, quoi. Voilà. C'est ça. Ah, attendez, on fait juste un petit règlement. Ouais, vas-y, fais ton réglage, fais ta vie. Tu le dis, est-ce que tu t'entends bien? Voilà. Bon, là, ouais, non, mais ça va le faire comme ça. C'est ça va le faire, ouais. Ouais, ouais. Tu me disais quoi, Marion? Je te disais, en gros, ça parle de la coloc, quoi. Exactement, c'est trois colocataires, on vit en colocation et pour la saison 1, on a un but commun, c'est de payer le loyer. Ah. Et c'est toi qui as coproduit? Non, je produis toute seule. Je me suis débrouillée toute seule à la fin du mag l'année dernière. Quand on a été déprogrammée, je me suis dit merde, ça sent la merde. Il faudrait que je me lance. Et ça faisait 4 ans que j'avais cette idée. Donc j'ai décidé de me lancer. Mon papa m'a aidée, Mathieu Delorme aussi. Donc voilà. Bah, c'est énorme. Hein. Écrit et réalisé par Arnaud Mison. C'est ça. Ça va, c'est bien passé. J'ai une énorme chance de le rencontrer. Très, très bien passé. C'est un mec qui a un talent de malade. Et heureusement qu'il était là. Il m'a aidé à faire des castings. Parce que moi, je suis toute nouvelle. Donc, j'y connaissais rien du tout. Et Arnaud m'a beaucoup aidé. Et je peux dire même que c'est notre série à tous les deux. Bon, voilà. Bah, c'est beau. On espère vraiment que ça va cartonner. Allez, mater ça, là. C'est sur YouTube. En coloc. Franchement, on kiffe. On a du monde pour toi au téléphone. Ah. Et dans un instant, on va jouer ensemble. Alors, on a Ludivine. Ludivine, elle nous appelle de La Réunion en plus. Ouais. Ça, c'est frais, c'est exotique comme ça. Hein. Bonsoir Lulu. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Capucine. Bonsoir. Je suis trop contente de vous avoir au téléphone. Oh ben, vas-y, profites-en, elle est là, elle est pour toi. Oui, alors j'aurais une question à poser à Capucine. Oui. Alors en fait, j'aimerais savoir comment est venue l'inspiration pour ta web série et surtout, est-ce que tu avais déjà fait de la colocation en fait? Est-ce que ça aide pour... Alors, l'inspiration, une colocation, oui, j'en ai déjà fait une grande à l'époque de Secret Story. Oui, c'est vrai, donc, ça aide. Une très, très grande colocation. Et j'avais cette idée un petit peu avant, en fait, avec mes amies qui étaient en coloc. Elles me racontaient des trucs de malade au bord de ma piscine, autour d'un verre. Et je me disais, putain, mais faut faire une série, c'est trop marrant. Et voilà, tout bêtement, j'ai pris un crayon, un papier, j'ai commencé à écrire des idées et voilà. Mais ça m'a pris 4 ans quand même, hein, donc bon. D'accord, bah, en tout cas, je l'ai vu et franchement, j'ai adoré. Merci. Je t'adore, Capucine. Je t'adore, c'est très mignon. Mais nous aussi, on t'adore, Ludivine. Surtout pour le Night Show, Marion Enzo, je vous adore. Bon, c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est un peu hard, mais je vous écoute tout le temps, tous les soirs, donc il n'y a pas de souci. Ah, il est minuit 43 chez Ludivine, là. Ah oui, voilà. Ouais. Bon, eh ben écoute, merci de nous écouter, chérie. Tu rappelles quand tu veux, t'es ici chez toi, ok? Y a pas de souci. Eh ben, merci pour m'avoir laissé parler avec Capucine et sachez que restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs, en fait. Trop mignonne. Bisous, Lulu. Gros bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao. Bon, Capucine, on va jouer ensemble. Ah, tu le sais, à partir d'aujourd'hui, tu as lancé ta grande web série En Coloc. Oui. Et les jeunes qui nous écoutent le savent, il est parfois difficile de trouver le colocataire idéal. Parfois, ils sont pleins défauts, ils sont compliqués. T'as fait Secret Story, tu sais de quoi je parle. Du coup. Mais deux colocs aussi dans la série, ils sont très compliqués. Je les embrasse, ils nous écoutent, j'en profite. Ah bah oui, Anthony Sanzache et Thibaut Duboucher, voilà, je les embrasse. Ils sont très bons aussi. C'est vrai. Big up à vous. Du coup, moi, je vais te proposer des colocataires. Tu vas devoir en choisir un. D'accord. Ok. Je t'annonce, on fera ça après la pub. Il y a Anso et Washa son chat. Eh, ouais. Kuna exceptionnellement amené ici. C'est-à-dire que vous connaissez tous Wacha, mon chat, puisque je vous en parle hyper souvent dans l'émission. Bien et sûr. Bien ce soir, elle est ici, dans les studios de Fun Radio. C'est énorme. Ah, ouais. Je vais devoir choisir entre toi et ton chat? Non. Ah, ok. C'est le package. Soit tu prends Anso et Wacha, soit tu prends Amir et ses sourcils imposants, soit tu prends Pépère, qui est le personnage trash de l'émission. Ils ont tous préparé un texte pour toi, ouais. Une mise en scène. Ils vont devoir te convaincre et à la fin, tu vas devoir repartir avec l'un d'entre eux et t'installer avec l'un d'entre eux. Ok, ça marche. Voilà. Okay. Et tu n'as pas le choix. Donc, ne bougez pas. On revient tout de suite dans un instant parce que pour que tu puisses faire ton choix, forcément, on a préparé des petits trucs. Il faut qu'on se vende à toi, Capucine. Mais tu vas me choisir quand même. Restez là, c'est Marion et Anso Night Show. On est en direct jusqu'à minuit. Diplo. DJ Snake. Skrillex. Et les Major Lazer. On fait appel à lui. Pour leur tube. En septembre, Fun Radio vous envoie au concert de Justin Bieber à Paris. Dès que vous entendez le double fun avec deux tubes de Justin Bieber à la suite, soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous gagnez vos places pour le concert événement de Justin Bieber. Justin Bieber! À l'Accor Hotel Arena à Paris. C'est le double fun sur Fun Radio. Right here on Fun Radio. Le son dance floor. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben Hur. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Mercredi au cinéma. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler, bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, évitez de grignoter. Écoutez Fun Radio, écoutez Fun Radio, partout dans le monde, sur funradio.fr. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Bon, forcément, quand tu fais ça tout seul, bah t'as l'air un peu con. Écoutez Marion et Anso, le Night Show. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. Il est 22h50 et Capucine est notre invitée. Elle vient nous voir pour sa web-série En Coloc qui est sur YouTube. Ça va cartonner, c'est sûr. Déjà, le démarrage est fantastique. Bravo. Merci. Oh, et puis, oh là là, c'est et puis, trop gentil. Quelle comédienne, écoute. Non, mais abusez pas, abusez pas. Hein. Non, mais sans déconner, elle est hyper à l'aise. Allez voir, c'est vraiment réussi. Ouais, merci. Franchement. Alors, je dis pas que je m'attendais pas à ça, mais j'étais épatée parce que. Non, mais je veux dire, c'est un métier quand même, comédien. Eh ben, t'es juste. Je fais du théâtre depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Hein, quand même. Ben, je ne savais pas. Eh ben, ouais, c'était la surprise. Et alors, rentrée chargée pour toi, puisque tu seras aussi dans TPMP à partir de demain. Oui, exactement. On en reviendra tout à l'heure. Si vous avez des questions pour Capucine, 01 42 48 5000. Mais avant ça, il est temps de te trouver le coloc idéal. J'ai appelé ça qui sera le meilleur coloc. On a Anso et Wacha qui vont devoir se vendre. On a Amir et ses sourcils qui vont devoir se vendre. Et on a Pépère que t'as pas encore vu qui va devoir se vendre. D'accord. Ils auront chacun 30 secondes pour te dire en quoi ils seraient voilà, le colocataire idéal. Après, tu choisiras et tu devras partir avec celui ou celle que tu préfères, tout simplement. Ça marche. Ok. Ok. Anso, chérie, on va commencer par toi. Je sais que tu as préparé un texte. Je suis prête. Donc vas-y, donne tout, on t'écoute. Alors, primo, Capucine, sans manquer de respect à mes concurrents, je suis la coloc idéale. Pourquoi? Déjà parce que je suis une fille, il n'y aura pas d'ambiguïté entre nous, mm-hmm. Et puis tu n'auras pas à relever la lunette des toilettes à peu près 10 fois par jour. C'est bien, c'est ouais, cool. C'est vrai. Alors par contre, forcément, si tu acceptes de vivre avec moi, il y a 2-3 choses à savoir à mon sujet. Déjà, je suis diabétique, donc parfois, il m'arrive de faire des malaises. Il y a 2-3 trucs à savoir sur moi en cas de malaise. Donc voilà, tu vois, j'ai mes seringues d'insuline. Il faut que tu retiennes qu'il y a un jour, ce sera peut-être à toi de me le faire. Jour pair, cuisse droite. Jour impair, tu me piques la cuisse gauche. C'est vrai en plus. Et puis bien sûr, comme je souffre de diabète, il y a quelques aliments qui me sont interdits. Donc pour éviter toute tentation, il faudra éviter qu'on achète. Et bien plein de trucs en fait. Voilà. Ah, tout ce qui est sucre, dommage, tout ce qui est absolument tout. Et puis j'oubliais, je ne suis pas venue seule. Ah! Avec non, je ne suis pas du seul. J'espère que tu n'es pas allergique. Ah là là là là, elle est là. Elle est là, mon Wacha. Bébé d'amour. Elle est belle. Hein. Elle est propre et autonome en plus, et elle perd moins ses poils qu'Amir. Ce qui est absolument faux, puisque je suis recouverte de poils. Elle est très belle. C'est très, mon bébé. Comment elle s'appelle? Wacha. Wacha. Wacha. On va la prendre en photo là pour les réseaux sociaux. Elle magnifique. Est magnifique bah, avec oui. Anso. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça te plaît ou pas? Alors, ça me plaît beaucoup. Faire des piqûres, ça me dérange pas du tout. J'aime venir en aide de ceux qui ont besoin. Ouais. En revanche, le seul petit hic, c'est que je suis allergique aux chats. Ah mince. Ah mince. Ah ça c'est con parce donc, que ça va être compliqué. Je peux pas te prendre toute seule. Non, c'est moi et moi avec Wacha. Eh ben laisse-moi réfléchir, je vais me tourner vers les autres pour voir. Alors on va passer à Amir. Amir ouais. Qui gère les réseaux sociaux dans cette émission. Amir qui a une particularité, ce sont ses gros sourcils épais. Toujours. Et qui a préparé aussi quelque chose pour toi, Amir, on t'écoute. Alors Capucine. Oui. Sache que l'avantage de me prendre moi en coloc, c'est que je suis tout fin d'abord. Bon, t'as vu, je suis pas hyper épais. Je prends pas beaucoup de place. Et le truc qui prend le plus de place chez moi, tu l'as certainement remarqué, ce sont mes sourcils. Hey. Mais tu verras, on s'y attache très vite à eux. Et c'est pratique parce que tu vas pouvoir faire les tâches ménagères, tu vas pouvoir faire la vaisselle, laver le sol. Enfin, tu verras, c'est plutôt pas mal. Par contre, je te préviens, je suis aussi DJ, je mixe. La Fun Radio, c'est normal. Et je fais pas mal de soirées. Alors, il risque d'avoir parfois dans ton appart, enfin dans notre appart, notre futur appart, un peu de monde. Bon, ah merde. Va falloir s'y faire. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et bon, ça, je sais pas s'il fallait que je le dise, mais je sais que t'aimes un petit peu tout ce qui est un petit peu homme de pouvoir. Et je sais pas si ça pourra t'aider, mais sache que moi, en 6ème B, j'étais délégué de ma classe. Ah oui, mais non. Entre délégué, je l'étais en seconde, tu vois. Alors, j'aime beaucoup aussi Amir. Il y a un petit hic aussi, putain, j'espère que le troisième, ce sera le bon, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, figure-toi que je n'aime pas du tout sortir. Tu m'as dit que tu faisais des soirées. Ah, là, normalement, je suis dans mon lit, en fait, les filles. Donc, Ah ouais, sinon, ah ça ouais. va être chaud. Donc, ça va être très, c'est très quoi chaud. Amir, on va faire une coloc ensemble. Ouais, peut-être. Tu sais, tu peux aussi dire que ses sourcils te dégoûtent. Hein. Ça marche. Eh ben, figure-toi que non. Ah, ça va, ça. Ouais, non, ça va. Ses sourcils, c'est pas ce qui me dérange le plus. Bon. Je pourrais te les faire. J'adore épiler en plus. Ah bah ouais, voilà, on se fait des soirées sourcils. Pas voilà. Si j'ai bien compris. Anso, ça le fait pas trop. Amir, ça le fait pas trop. J'espère que ça va le faire avec le troisième. Ah. Prétendant, si je peux appeler ça comme ça. Attention. Faites entrer celui qui veut absolument devenir ton coloc. Attention, ne sois pas choqué. Il s'appelle Pépère et il va toujours trop loin. Allez, il est là, ça y est, il est arrivé. Oh mon dieu, pas mal. Alors, il faut que je vous le décrive. Pépère, il est en look de Pépère. Hein. Il a une veste en cuir dégueulasse, un béret, un gueule. Sac à dos. Il est pas beau, Pépère. Hein. Mais en fait, c'est chelou comme look. Ouais. J'ai déjà mon sac, ma veste en cuir. Ouais. D'accord. Bah oui. Bon, est-ce que t'es prêt pour convaincre Capucine? Alors attention. Il a pris un journal, ce con. Ouais, j'ai plus de feuilles chez moi. Alors, vas-y Pépère, on t'écoute. Bon, c'est la merde. Alors, Pépère, lui, déjà, c'est un coloc parfait. Hein, déjà, il dépense pas beaucoup d'oseille parce qu'il mange comme ta chienne Kini. Hein, d'ailleurs, Queenie. Ouais, Kini. D'ailleurs, sous Queenie, mes croquettes. Ma fille. Ah. Regarde, va manger une petite croquette de Kini. Voilà. Arrête, c'est des vraies croquettes. Oh non. Oh, il bouffe des vraies croquettes. Alors voilà, cette vanne, elle est faite. Et en plus, Pépère, lui, il adore les animaux. Hein, voilà, comme j'ai pu te dire. Et puis, Pépère, en plus, il a un point commun avec toi, Capu. C'est qu'il a fait aussi de la danse classique, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que Pépère a récupéré les collants des danseuses pour se branler dedans. Oh non. Oh mon Dieu. Et d'ailleurs, Capu, j'ai une petite vanne avec toi pour te dire. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui sent les pieds, le cul et la chatte en même temps? Je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, les collants des danses. Oh non, mais mec. D'accord. Et ouais. Alors, voilà, tu as fait connaissance de Pépère. Il est tous les soirs comme ça, t'inquiète pas. Donc, il faut que je choisisse, là. Ouais, c'est compliqué, mais tu as Anso et Wacha. Alors, Anso, déjà, on peut Anso, l'éliminer. Je l'élimine, je suis allergique au chat. T'es allergique au chat. C'est super. Dommage, parce que tout m'allait, sinon. Le diabète, tout ça, ça t'allait. Ah ouais, moi, ça me dérange pas, j'adore venir en aide, je te dis. D'accord, j'ai cru qu'elle allait dire, j'adore le diabète. Non, mais alors ça me... Même moi, c'est un handicapé ou quoi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Ok. Y a pas de problème. Amir, le problème, c'est qu'il y a les soirées. Et puis alors, Pépère, bon, ouais. Il est un peu trash, mais il aime bien les animaux. Ouais, puis, donc il pourra s'occuper de Queenie, je te dis. Puis il est sexy. Il est pas si mal, hein. Même dans son habit, tu vois, il est plutôt beau gosse. Ouais, mais t'as pas vu à l'intérieur du caleçon. Arrête de... Ah, mais d'accord, j'avais pas vu, mon. Oh là là, il a le caleçon trempé. Il y a des taches sur ton talon. Alors, Capucine. Eh ben, je vais prendre Pépère comme ça. J'ai trompé mes mères. Tu vas me pécho. C'est pas une blague. Tu vas devoir repartir avec Pépère. Tu t'en débarrasses comme tu veux, mais il ne te lâchera pas. Sache-le. Ah, ah oui, oui. Comment ça? Ah bah, on te le laisse. Vous dormez avec et tout. Hein. Ouais, oui, dans le lit de Capu. ça va être compliqué. Bravo à tous les trois, quand même. Vous avez été bons. Et on embrasse Wash Wash, qui a fait le déplacement quand même. Ouais. Adore rentrer à la maison. Il a fait rien que pour moi. Ouais, ah oui, elle est venue exprès pour toi. Oh, ça me touche. Et elle va repartir là, parce qu'on a marre en fait. Bon, il y a de la question pour toi, Capucine. Il y a Nicolas à Aix-en-Provence qui nous a appelé. Bonsoir, Nico. Salut Marion, salut Enzo, salut Capucine. Salut. Salut Nico. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Vas-y Nico, pose ta question. Capucine, déjà j'ai une bonne nouvelle en fait. Tu peux même choisir moi comme coloc. Ah bah voilà. Fallait me le dire plus tôt. Tu pourrais te vendre un peu mieux quand même. Avec les trois que j'ai eu, ça va pas être difficile. Hein. Voilà, bon, je suis mieux que les trois, donc c'est bon. Tu m'as choisi, c'est super. Allez, j'arrive. T'avais une question, Bichon? Ouais, j'ai une question. T'as vu, bon, la semaine dernière, c'était la rentrée des classes, c'est super. Oui. Ouais. Est-ce que toi, t'as des mauvais souvenirs de tes rentrées? Ah, c'est pas bête. Ah, c'est une bonne question, ouais. La plupart des rentrées, en fait, c'est un mauvais souvenir, mais pour être clair. T'étais genre bon élève et tout, ou chelou? J'étais normale. Ouais. Ouais, j'étais normale. J'avais entre 10 et 11 de moyenne. J'ai eu mon bac du premier coup, donc... Et t'avais genre des potes Ouais. Ouais, pas comme Anso et moi, quoi. Ah mais non, et nous, mais on a complètement foiré. Non, mais au lycée, hein, parce qu'au collège, j'étais une vraie pèse. Je mentais, je volais. Ah ouais? Donc j'avais perdu toutes mes copines, vraiment, hein. Et le problème, c'est que dès que je leur montais, en fait, j'avais ma grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et qui était dans le même collège quand j'étais en 5e et elle était en 3e. Bref. Et du coup, mes copines allaient demander à ma sœur si ce que je racontais, c'était vrai. Ma sœur, vu qu'elle n'était pas au courant, elle disait, mais pas du tout. Ah ouais. Et du coup, j'ai perdu toutes mes copines et tant mieux parce que ça m'a mis un bon coup. Et depuis, je ne mens plus, mais à plus personne. Ah bah, tu vois, c'est un bel exemple. Des petits mensonges de merde après. Ouais, quoi, voilà. Ouais. Voilà, genre, tu peux me servir du coca, j'en ai pas parce que j'ai la flemme. Voilà, c'est des petits mensonges comme ça, mais... Ouais. Mais ça m'a bien servi de leçon, voilà. Okay. Mais c'était pas une rentrée, hein, c'était... voilà. C'était la vie, quoi. C'était la vie. Ouais, voilà, Nico. Ok, bah ça. Bon, on se rejoint tout à l'heure pour la coloc. Hein. Ça marche. On t'embrasse, mon Nico. Allez, gros bisous, équipe. Merci d'avoir appelé. Continuez de nous appeler, là, vous, 01 42 48 5000. On va tous vous prendre à l'antenne et puis surtout, on va faire un Pourquoi tu m'appelles avec Capucine dans un instant. Le fameux Pourquoi tu m'appelles, t'es prête à jouer, Capu? C'est quoi? Eh ben, tu vas voir dans un instant. Okay. Reste là. Elle va pas être déçue. Kungs, tout de suite pour le son, c'est Fun Radio, Marion et Anne sur le Night Show. Ah, C'est Marion et Anne sur le Night Show. On est avec Capucine Anave qui a sorti sa web série En Coloc sur YouTube. Et c'est énorme parce que je suis sur la chaîne. MyTF1.fr. Et ça fait que monter. Donc les abonnés, là, c'est grâce à vous. 17 000. Vos auditeurs, ils sont géniaux. J'osais pas le dire. Mais ça, un peu grâce à nous et à la force de la radio, quoi. Bon, Capu, justement, on va parler histoire de coloc ensemble. Ouais. Tu sais que quand on a préparé cette émission, on est tombé sur un forum qui recense les pires questions que se posent les colocs pour améliorer leur colocation. Okay. Il y a des vraies questions, il y a des fausses questions qui sont simplement le fruit de mon imagination. À toi de me dire si, selon toi, elles existent ou pas. Ok. Oula. Est-ce qu'on a vu sur un forum, tous les soirs, mon coloc se naît dénude complètement et se promène nu dans l'appart, que dois-je faire? Ah oui, bah ça c'est une vraie question. Et on l'a vu vachement de fois. Bah oui. Mais c'est ouf qu'il y ait des colocs comme ça, hyper détentes. Bah, avec... dans ma série, il y a un de mes colocs qui fait ça. Ah bah je sais pas, j'ai pas vu encore. Ouais, vous allez voir. Mais complètement à poil à poil. Peut-être pas complètement à poil à poil, mais à poil. D'accord. Ok, vraie question, bien joué. Que faire si mon coloc est somnambule et qu'il urine dans mes plantes? À ton avis. Qu'il urine dans les plantes, ça je pense pas. Vraie question, mais trouvée sur le forum. Si, et ce qui est marrant, c'est que t'as les gens qui répondent bah tu sais, il y a des traitements pour ça. Non mais moi je suis somnambule hein. J'ai carrément, oui, mais... une fois je suis sortie de chez moi. D'accord, mais est-ce que tu fais pipi partout? Mais je fais pas pipi partout. Mais t'as fait quoi genre de ouf? J'allais voir mes parents, je sortais de chez moi, j'ouvrais carrément avec une clé. Ah ouais, non, mais maintenant ça va mieux, hein. Non, mais j'étais bizarre quand j'étais petite, en fait. Elle mentait, elle se promenait la rue de la nuit. Elle volait. C'est chelou, hein. Vraie ou fausse question, que faire quand ma coloc fait caca à la porte ouverte? Oui, ça c'est vrai. Non, celle-ci je l'ai pas trouvée. Déconne pas. Dommage parce que c'était drôle. Vraie ou fausse question, comment faire comprendre à mon coloc qu'il sent mauvais? Ah bah oui, ah ça oui, c'est vrai. De ouf, elle y est plein de fois cette question, ah ça oui, doit être dur bah quand ouais, ça t'arrive. Mais pas du tout, faut lui dire. Ouais, mais tu moi tombes sur un gars. Tu peux prendre service, tu pues quoi. Ah, tu dis ça comme ah ça ouais, toi. Ah ouais, moi je m'en fous. Moi j'ai jamais osé, moi tu vois. Moi parce que j'aimerais qu'on me le dise, donc je le dis. Bah maintenant que t'en parles, qu'il y a plus. Non, sérieux. Vraie ou fausse question, j'ai couché avec la mère de mon coloc, dois-je lui avouer? Eh ben, je pense que ça a dû arriver. Non, pas sur les forums, mais je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà pensé. Mais oui, c'est sûr, c'est évident. Évident. Comment arrêter de fantasmer sur mon coloc? Ah, c'est vrai. Mais c'est sûr. Mais oui, c'est évident. Ça doit être stylé quand même. Un moment ou un autre, quand t'es en coloc, il y a toujours un truc chelou qui se passe. Quand t'es pas que entre mecs ou que entre meufs. Mais oui. Forcément. Comment dire à mon coloc qu'il a de gros sourcils? Vraie ou fausse question? Fausse. Si, bah, je vous emmerde. Il a connu ça, Amir. Ouais, c'est vrai. Bon, on a de la question pour toi, Capu. Il y a Hugo de Lyon. Bonsoir, Hugo. Ouais. Salut toute l'équipe. Oh là là, Capucine, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Papa. Hey, bon, t'es de Lyon, toi aussi. Ouais, j'aurais une petite question. Je suis lyonnaise, hein, Hugo. De quoi? Je suis lyonnaise aussi. Ah bon? Ben ouais. Oh là, bah passe-moi me voir quand tu veux. C'est les meilleurs. Vas-y, poteau. Voilà, j'aurais une petite question. Je voulais savoir comment se passe ta collaboration avec Cyril Hanouna. Ah bah, je peux pas te répondre puisque je commence demain. Donc, ouais, oui, mais déjà... voilà, le feeling, est-ce que ça passe bien? Est-ce que t'as déjà rencontré les gens de l'équipe? Est-ce que... Bah, bien sûr, j'ai rencontré tout le monde. Ça se passe super bien pour le moment, en tout cas, je touche du bois. Ça se passe super bien. Cyril est très accueillant et je me suis éclatée cette semaine dans les répétitions. J'ai hâte de voir ça. C'était top. Franchement, je peux pas trop te dire parce que pour le moment, j'ai pas commencé. Donc, d'accord, c'est dur de. Mais t'as la pression un peu? Ah bah complètement. Parce que, c'est normal. Après, bah, tu évidemment, connais bien la télé, tout ça, mais quand même. Quoi, c'est une émission qui fait 1 600 000 tous les soirs, c'est très stressant. Ah ouais. Non mais tu vas être fraîche. En tout cas, t'es pétillante et merci. Je pense que Cyril, il va t'utiliser, c'est sûr, tu vois. Parce que t'as un perso déjà, donc. Mais oui. Bah, j'espère. On regardera ça, Capu. Hugo, tu seras là demain pour soutenir Capu. Évidemment. Merci, Hugo. C'est bien, tu me Capu. Aïe, aïe. On t'embrasse, Hugo. Et au fait, j'aurais juste un petit conseil à donner à Capucine. Oui. Ah, vas-y. En fait, Capucine, je trouve que tu es presque parfaite. Il te manque un tout petit truc et je peux te le donner ce soir. Vas-y, dis-moi. Eh ben, tu n'as qu'une chose à faire, en fait, c'est de venir me suivre sur Twitter. Et je pense que là, tu auras atteint le summum. Eh ben, c'est quoi ton Twitter? Alors, mon Twitter, c'est bon, je te marque le petit arrobas, hein, comme d'habitude. Ouais. Réo, Hugo, R-E-O-H-U-G-O. Okay. Ça, voilà, ça serait vachement cool. Allez, bah, ça va. Là, j'ai bon, bah, ça y est, tu es parfaite. Moment, après, je te suis. C'est un, okay. bon commercial, Hugo. On vient d'avoir la meilleure douille de l'espace. Hein. Ouais. J'ai plus de batterie pour l'instant. J'adore. Oh non. On t'embrasse, Hugo. Merci de nous avoir. Je l'embrasse, gros bisous. Bisous. Ah. On a Vincent aussi à Mulhouse. Bonsoir, Vincent. Salut, Marie-Anso. Salut, Capucine. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais, super. J'ai une petite question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu as regardé Secret Story cette année et qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, bien sûr que je regarde, c'est la base. Moi j'adore, alors j'ai pas honte du tout, j'adore regarder Secret Story, c'est une de mes télé-réalités préférées. Ouais, nous aussi. Et j'adore le casting. Franchement, ils ont assuré sur le casting. En fait, tous les soirs, j'ai hâte de voir le lendemain. Donc voilà, t'aimes bien toi? Moi j'adore, ouais, grave. Ah bah voilà. Je regardais à la saison 6 aussi. Et il y a un secret de malade, hein? Avec cette année. Le mec qui est enceinte. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Mais d'ailleurs, il commence à s'en douter, je crois, dans la maison. Hein, ouais, parce qu'il revient du sas et ce qu'ils se disent, c'est qu'il a un gros secret. Parce que le pauvre, il parle pas français, c'est chaud quand même. Il parle pas du tout français. Ah bah mec, il parle pas français du tout, quoi. Ouais. Bon bah c'est voilà. Incroyable. Elle regarde beaucoup. Bisous Vincent, merci de nous avoir appelé. Et en tout cas, Capucine, je voulais te dire que j'ai regardé ta première vidéo, là, ta web série, et je kiffe vraiment, c'est énorme, tu joues trop bien. Et bah merci beaucoup, Hugo. Bisous. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Capu, est-ce que tu es prête à jouer au Pourquoi tu m'appelles? Ah oh oui, j'adore. Eh ben, c'est maintenant. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là, pauvre con? C'est dans le Night Show, sur Fun Radio. Alors, comme tu n'es jamais venu, je vais t'expliquer les règles. C'est très simple. Je vais le faire, Anso, ça te va? Ah bah oui. Vu que t'as fait la coloc, je fais le Pourquoi tu m'appelles. On va s'affronter toutes les deux, d'accord? Ok. Je vais appeler quelqu'un au hasard en France. Je vais dire pourquoi tu m'appelles. Je dois tenir le plus longtemps possible. Après, c'est ton tour. Et après, on compare les scores, tout ça, quoi. Ok? Ok, ok. Allez, on y va, j'y vais, je me lance. J'appelle au hasard en France. Allez, c'est parti. Oula, j'ai pas de stratégie, là, j'y vais à l'aveugle. Hein. Amir, des réseaux sociaux, tu mises pour qui? Marion ou Capucine? Ah, moi, je mise pour Capu, là, aujourd'hui. Allez, moi, je suis team Marion, parce que la peau, je peux pas laisser toute seule. Merci. De toute façon, elle a pas voulu de moi en coloc, Capu. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui? Oui? Bonsoir. Oui, bonjour. Oui? Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi je vous appelle? Bah ouais, parce qu'en fait, il y a mon téléphone qui vient de sonner. Du coup, j'ai décroché. Je vais appeler personne. Ah, bah si, parce que sinon on se parlerait pas au téléphone là, c'est ça qui est bizarre. Vous aussi, ça a sonné, vous avez décroché? Ah, bah oui. Bah c'est pas possible ça, mais vous êtes de quelle région vous? Alors je suis dans le 95, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure pour un scooter. Ah, bah moi aussi j'ai eu des appels. Non, mais attendez, j'ai eu des appels pour ça aussi, alors là je comprends pas. En plus, il est tard, je me lève tôt demain, je commence à être un peu chonchon. Pourquoi vous m'appelez en fait? Est-ce qu'il y a une raison? Il faut me dire. Non, mais je vous appelle pas. Moi, j'attendais que quelqu'un m'appelle à 23h concernant un scooter. D'accord. Que je vends. Alors moi, voilà. je ne vends absolument rien, monsieur. Je ne veux pas de scooter. Il y a mon téléphone qui a sonné en numéro 1 inconnu. Du coup, j'ai décroché. Ah bah, je ne vous ai pas appelé, je vous le promets. Ah bah, je ne vous crois pas, monsieur. Sinon, on ne pourrait pas écoutez, se parler. Ah, et qu'est-ce qu'il a à dire à ça, hein? Ah bah, rien du tout. Ah bah, rien du tout. Il n'a pas de répartie, hein? Aucune. Alors, je vous laisse. Bonne soirée. Alors, bonne soirée à vous, monsieur. Au revoir. Voilà. Non, mais le gars poli, super chaud. Mais poli en toutes circonstances, ouais. Il était trop chaud. Ah ouais, chaud. Mais mignon. Ça va être très très dur là, parce que t'as tenu quand même longtemps. Combien de temps? 1 minute 12. Non, mais c'est énorme. Non, ça va le faire. Eh ben, tu sais quoi, je vais utiliser la même stratégie que toi. Oh bah vas-y. Allez, c'est parti. Je te la prête. Ouais, vas-y, Capu, on compte sur toi. Voilà. Hésite pas à lui dire que t'as des galères de coloc. Je vais tomber sur un gros con, je sais pas pourquoi. Mais non. La meuf optimiste. Il est 23h11, Amir. 5 secondes. 6. 7. On en appelle un autre. Hein. C'est stressant. Hein. Bah, les gens dorment à cette heure-ci. Hein. Par contre, sur Twitter, les gens sont à fond sur toi. C'est vrai. Ouais, ils sont partis mater la série en fait depuis le début de l'émission. Ah, c'est adorable. Allô? Allô? Oui. Oui. Bonsoir. Ah ben, oui. C'est qui? Bah, c'est vous qui vous êtes, parce que vous m'avez appelé, donc je rappelle en fait. Ah, je crois qu'il y a une erreur là. Bah, non, en fait, j'ai pris mon portable, j'ai vu ce numéro et j'ai rappelé. Non, mais. Enfin, je sais pas qui vous êtes là, il est 11h du soir, je m'apprête à me coucher, non, mais demain alors, c'est déjà, le boulot. Vous allez vous calmer, parce que c'est pas moi qui vous appelle, c'est vous qui m'avez appelé. Et ah, bah, je moi, vous rappelle, sais pas, moi j'entends mon téléphone sonner, moi je décroche personnellement, je suis calé dans mon téléphone, enfin sur mon canapé, j'entends mon téléphone sonner, je décroche. Bah, faut pas s'emporter, monsieur, juste, moi je rappelle, j'ai eu un message en plus de votre numéro tout à l'heure qui m'a insulté, donc je me permets de rappeler parce que deux fois vous m'avez appelé. Non, je crois qu'il y a une erreur sur le numéro là en fait. Non mais je crois qu'en fait non mais demain je travaille, là il est 11h du soir. Je crois qu'on va pas passer par quatre chemins, d'accord? Mais vous allez vous détendre parce que moi aussi je peux monter sur mes grands chevaux, je vous appelle gentiment, vous êtes là en train de m'agresser. Moi aussi je dors, moi aussi je travaille demain. Mais vous prenez pour qui à parler comme ça? Moi je vous rappelle, je vais aller déposer plainte si ça continue, vous m'appelez plus toute la journée. Il n'y a aucun problème, moi, il n'y a aucun problème. Mais allez, vous faites le mec, là, le beau gosse derrière votre téléphone, j'y peux rien. J'ai juste... non, bah oui, pardonnez-moi, vous n'êtes peut-être pas beau gosse. Mais en tout cas, je fais bis, j'ai rappelé et je tombe sur vous. Et pardonnez-moi, j'y suis pour quoi? Attention, arrête de t'énerver, Capu, il a raccroché. Ah ouais. Combien de temps? Combien de temps elle a fait? Elle a fait 1 minute 20. Ah, mon Dieu. Elle est forte. Eh, la Capucine énervée, ça rigole pas, les gars. Hein. Ah ouais. Hein. Mais surtout, ce que j'ai adoré, le mec, ce que j'ai adoré, c'est le. Mais j'ai fait bis. Personne ne dit ça. Et surtout, je vais aller poser plainte à la gendarmerie. Ouais. Quand on est fait inventer. T'as assuré, bravo. Merci. Bravo. Premier pourquoi tu m'appelles. Première réussite. Franchement, bah t'es la bienvenue dans cette émission quand tu veux, ma Capucine. Merci. Viens chez toi. Allez mater sa web série en coloc sur YouTube et sur mytf1.fr, c'est ça? C'est exactement ça. Merci, bravo. On est déjà à quasiment 20 000 abonnés, c'est énorme. Le premier épisode s'appelle La Grosse Soirée. Franchement, elle joue bien et c'est sympa. C'est une bande de potes en fait qui s'éclate un peu comme nous à la radio. Ouais. Mais voilà. En coloc. Et je pense que ça va être vraiment cool. Un tous les 15 jours, c'est ça? C'est ça, tous les dimanches. Eh ben, on va suivre ça. On va aussi te suivre sur TPMP demain. Merci. Bonne chance. Merci. Sois bonne, fais-nous marrer à la télé, sur YouTube. Je vais essayer. Fais-nous marrer partout. Je vais essayer, en tout cas. Si t'as un dernier petit mot pour les gens qui t'écoutent, c'est maintenant, ma chérie. Eh ben, ceux qui me soutiennent, un gros bisou, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent, là, ce soir. Et puis, un gros bisou à Arnaud Mison, Anthony Sansache et Thibaut Duboucher. Et à mon papa qui m'a aidée. Voilà. Oh, Burr. Bisous le papa. Enfin, ça, c'est Burr. Hein. On embrasse tout le monde et Capu, t'es la bienvenue quand tu veux merci dans Night Show. Merci les filles, merci beaucoup. Vous restez avec nous, puisqu'on revient tout de suite sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro, c'est gratuit, on vous dit tout le temps, mais appelez-nous, bon sang de bois. Oh, alors. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Fun. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio, Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go le son Dance Floor. Banzai Noodle de Lustu Cru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustu Cru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Fun Radio présente Run & Mix, la nouvelle sensation des courses fun en France. Au programme de la Run & Mix, une course de 5 km de nuit dans des décors fluo déjantés. Et 5 heures de DJ set pour vous faire vibrer sur le meilleur du son dance floor. Mixé par Luca Divino au Parc des Expositions de Chambéry. Toutes les informations sur runandmix.com et funradio.fr. La première course Run & Mix à Chambéry, vendredi 30 septembre. Un événement Fun Radio. Le son Dance Floor. Tous les soirs. Are you ready? 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Oui, c'est nous. On est en direct jusqu'à minuit. Capucine vient de partir. C'était cool. On vous mettra toutes les vidéos là sur la chaîne YouTube dès demain parce que le temps qu'on bosse, qu'on fasse du montage, bah ouais, quoi. De la post-prod, tout ça, des effets sonores. Bref, ça arrive très vite sur la chaîne Marion et Anso. Et là, avec Anso, avant le Poké Lost, on avait envie de parler de quelque chose. Parce que Amir nous a inspiré un sujet. Amir, il faut savoir qu'il nous a confié quelque chose. Moi, j'avais déjà remarqué, évidemment. Le gars, non seulement se lave avec des gels douche de meuf, mais en plus met du déodorant pour meuf. Mais alors, à la limite, se laver avec du déodorant, du gel douche de meuf, pourquoi pas ? Mais le déo, on est d'accord. Le déo, c'est quand même très chelou. Ouais, ça passe. C'est chelou. Moi, je trouve que ça sent la meuf à mort. Et du coup, ça nous a inspiré un truc. On avait envie de se dire, quel est le truc de mec que vous faites, vous, les meufs ? Et inversement, quel est le truc de meuf que vous faites, vous, les mecs ? Oui, Amir, est-ce que tu as quelque chose pour ta défense ? Ouais, moi je veux comprendre. Alors, déjà, les déodorants de meuf, ça sent mieux que les mecs, je trouve. Et ça sent la meuf ? Non, ça sent pas la meuf. Mmh. D'abord parce que je transpire pas de fou, donc du coup, quand je transpire, bah, ça sent rien. Et je trouve que c'est une meilleure odeur. Vous, vous avez litchi, vous avez genre fraise, framboise et tout, c'est hyper stylé. Ouais. Alors que chez les mecs, c'est toujours la même odeur. C'est genre, ouais, c'est genre musc. Brut, ouais, musc. Ouais, musc. C'est pourri. C'est vrai que c'est des odeurs de mec. Moi, je me suis lavé une fois avec du gel douche de mec parce que j'étais chez un mec et qu'il avait que ça. Et parce que c'était quelqu'un de normal en fait. Ah oui. Et ben après t'as l'odeur de mec toute la journée, ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Et puis pour les gels douche et tout, c'est juste parce que j'ai quand même 4 sœurs et du coup à l'époque on vivait tous ensemble, il y avait que des trucs de meufs, alors j'ai toujours. Mais attends, tu assumes ton côté féminin, c'est très bah, bien. Bah écoute, oui. Aucun souci avec ça. En tout cas, appelez-nous 01 42 48 5000. On parle des trucs du sexe inversé que vous faites. Moi par exemple j'en ai un pour vous. Alors c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça m'arrive, je porte parfois des caleçons d'hommes pour dormir. Je trouve que c'est plus agréable et voilà, quand j'ai pas de petits shorts propres ou tout, bah ça me dérange pas. Mais pourquoi tu dors pas avec une de tes culottes ? Non, j'aime pas. J'aime bien avoir au moins un short. Ah bon, ouais, d'accord. Le côté large cuisse. Espace quoi. Ouais, le côté cuisse bien prise quoi. Cuisse quoi. Moi ouais, je suis à l'aise. Ouais. Anso, est-ce que tu fais un truc de mec toi ? Pas trop, moi j'aime bien, j'adore, alors c'est vrai, et Amir pourrait être témoin, ouais. Mais j'adore conduire des grosses voitures de mec. Ah c'est vrai. Hein ? J'adore conduire de la grosse voiture quoi. L'autre jour on a loué une voiture, on a eu la chance, on a eu un bon plan de louer une espèce de Mercedes, et Anso a voulu prendre la voiture. Elle a surkiffé. Ah ouais, d'ouf. Et moi j'adore quand. En plus, je kiffe quand les filles conduisent des belles voitures, je trouve ça truc. Ah ouais, conduire de la grosse voiture, tu te sens d'un coup Vin Diesel dans Fast and Furious, quoi, tu vois. Ouais, en plus, ça conduit bien. Hein. Attention. Ouais, mais merci, écoute. C'est vrai que c'était pas mal. Bravo, Anso. Merci beaucoup. J'ai bien aimé. Non, mais j'étais en sécurité avec toi. Je me sentais bien. Je sentais que tu respectais tous les panneaux, les trucs, tu vois. Eh bien, sachez, vous, auditeurs de Fun Radio, que bientôt vous gagnerez un moment en voiture avec moi. C'est cool. On a déjà du monde au standard. Il y a Loris de Tours. Bonsoir, Loris. Salut les filles, salut Marion Anso. Ça va Loris ? Ça va et vous ? Bah très bien, alors toi tu es un garçon, donc on aimerait savoir quel truc de meuf tu fais. Alors moi j'aime bien me mettre du gloss en fait pour avoir les lèvres bien brillantes et pulpeuses en fait. Arrête tes conneries. Mais non, parce que du gloss. Mais non, arrête tes conneries. Du labello, je veux bien comprendre, tu vois, les labellos un peu teintés comme ça, mais pas du gloss. Ouais, ça c'est l'hiver ça. Tu mets du gloss ? Ouais. Mais ça peut. Mais en vrai, je crois que j'ai jamais vu un garçon avec du vrai gloss très brillant. Mais ça peut me faire rire. Hein. Bah, c'est vrai que c'est hydratant après. Oui, bah pas tous hein, d'ailleurs. Hein. Mais je t'embrasse alors. Oh, pas mal. Mais est-ce que tu sors en société avec ce gloss ou c'est pour chez toi? Oui, en société, pas de problème. Bah écoute, moi je préfère ça parce que je trouve que c'est encore plus bizarre qu'il se mette du gloss ring pour lui chez... voilà, là il n'y a plus d'intérêt. Là. Mais les gens te disent rien par rapport à cette pratique? Ils te disent pas... Bah, après des fois il y a des regards un peu bizarres, mais bon... Après moi je vis ma vie, hein, je vis pas pour eux. T'as une meuf? Ouais, j'ai une meuf, ouais. Bon, et... après je lui emprunte, quoi. Après quand... Elle en général elle est pas réveillée, donc ça le fait, quoi. Mais elle en pense quoi, la petite dame? pas trop gros, dis trop rien, mais bon, à part que le gloss descend un peu vite, quoi, mais... Ah ouais, ça la dérange pas, mais non, ça la dérange pas trop, non, ça va. Et pourquoi pas, après tout? Oui, non, mais chacun son truc. Ça veut dire, si t'es heureux, écoute, fonce. Bah oui. Bon, bah écoute, Loris, on t'embrasse, puis on t'envoie du gloss en cadeau, voilà. Ouais, merci, c'est sympa, les filles. Bisous, Loris, bisous. Gros bisous, merci à vous. Salut. Non, mais attendez, je suis désolée d'être surprise, mais autant j'ai rien contre le délire métrosexuel, mec qui prend soin de lui, mais se maquille un petit peu, mais du gloss, ça brille vachement, quoi. Bah ouais, c'est un peu comme le fard à paupières, quoi. Je veux dire, on voit que ça sur un mec. Bah ouais. Et sur, ouais, mais bon, peut-être que les gens se disent qu'il a une belle bouche, quoi. Et moi, je sais pas toi, Anso, mais je trouve que c'est hyper désagréable d'embrasser quand t'as du gloss. Ça colle. Ah, bah oui. Mais c'est le truc. Il y a aucune marque de cosmétique qui a créé un rouge à lèvres où c'est agréable d'embrasser avec, après. Merci. Hein, c'est pas agréable du tout, quoi. Je suis d'accord. Il y a Julien. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis célibataire. Il y a Julien Demeaux qui était avec nous. Bonsoir. Salut Marion, c'est Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Juju, qu'est-ce que tu fais comme les meufs, toi? Bah, amour à ma meuf. Ah, on t'entend pas, bichon, t'as perdu. Ah, vous m'entendez? Ouais. Je disais, bah, en fait, moi, quand je fais l'amour à ma meuf, en fait, je fais plus de bruit que elle. Ah, tu jouis comme une nana, quoi. Tu fais comment? Ouais, voilà. Bah, je fais des cris aigus, en fait. Attends, ah oui, d'accord, parce que tu pourrais faire des cris bien virils, mais ouais. Tu fais des cris aigus. Mais ça, ouais, arrive souvent. Voilà. Hein. Et tu veux pas nous faire une simulation, Julien? De quoi? Tu veux pas nous faire une simulation? Non, en plus, je n'avais pas rendu la maison et tout, là, j'ai vraiment une petite pour un demi. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est gênant, Anso. Mais oui, mais fais-le en essayant de pas te faire griller, c'est tout. Non, c'est possible. Mais genre, est-ce que c'est aigu ou aigu, ça va? Bah, aigu, ça va, mais enfin, aigu, quoi. Fin... Ah ouais, c'est marrant ça. Et ça dure longtemps, genre, sur plusieurs secondes, tu cries, quoi. Bah, en plus, elle aime bien quand je fais ça, mais ouais, bah, c'est quand je la pénètre, puis ça fait ça, en fait. Fin... D'accord. Voilà. Bah, écoute, si ça la dérange pas, elle a jamais été surprise, même au début? Non, mais elle adore que je fasse ça, donc je continue en plus. Eh ben, mon pote, tant mieux, j'ai envie de te dire, si vous êtes heureux comme ça, pourquoi pas? Voilà. On te fait des bisous. Bisous, Julien, et sois heureux. Bisous, petite femme. On t'embrasse. On n'a pas demandé à Thibaut à l'AREA s'il y avait des trucs de meuf que tu fais, toi? Ouais, bah justement, là, tu vois, en ce moment, je porte la ceinture de ma meuf. Mais non. Si. Vas-y, montre. Bah, je te jure, regarde. Mais pourquoi tu fais ça? Bah, en fait, j'ai cassé la mienne. Tu vois? Bah, ça, elle est cool. Les ceintures toutes fines. Ah ouais, ouais. Bon, ça passe. Non, elle est un peu féminine quand même, j'avais pas vu. Et en plus, c'est de l'autre côté du coup quand c'est les meufs. Non, ouais. La fermeture. Ah bon? Bah oui. Mais ça marche quand même. Ah bah oui, ça marche. Ouais. Et t'échanges d'autres trucs avec ta meuf? Ouais, on échange plein de trucs, mais là, je peux pas vous le montrer maintenant quand même. Enfin, c'est gênant. Je suis gênée. Il y a Laura à Cannes qui est avec nous. Bonsoir, Laura. Bonsoir, tout le monde. Ça va, Cannes? Bienvenue. Ça va, il fait beau. Bon, bah tant mieux. 25 ans, toi? Oui, tout à fait. Et ça fait quoi une Laura dans la vie à Cannes? Ah ouais, raconte-nous, Laura, quoi. Franchement, je cherche du boulot. Ah bah, profites-en, chérie, tu cherches dans quoi? En fait, je cherche en tant qu'assistante commerciale. D'accord. Dans un domaine particulier ou... Ce que je pourrais trouver. Bon, bah, sur Cannes, hein, si vous recherchez une assistante commerciale, 01 42 48 5000. En plus, elle a une très jolie voix, Laura. C'est très gentil, merci. Alors, voilà. qu'est-ce que tu fais comme truc de mec, toi? Bah du coup en fait pour ma recherche de boulot tu vois ça va pas trop le faire mais en gros je me touche la minouche pour savoir si ça sent ou pas. Non, j'en ai un peu honte j'avoue c'est pas possible chérie c'est pas possible. Attends Laura parce que j'ai une question. Les garçons de cette équipe est-ce que vous faites ça même déjà vous en tant que mec? Non. Vous touchez le sexe pour voir si ça sent bon ou pas? Yannick au standard le fait visiblement. Bah évidemment. Hein? Ah oui, pour savoir si ça pue pas trop. Arrêtez de faire les hypocrites, tout le monde l'a déjà fait. Mais non, mais sur ton propre sexe, quand bien t'es sûr. Un homme, excuse-moi, tu suffit de te laver, t'es pas obligé de te Mais contrôler. Non, mais c'est juste pour ça. C'est comme, il y a des gens, par exemple, ils passent leurs mains sous les aisselles, après ils sentent, mais c'est pas une histoire dégueulasse, c'est juste pour savoir s'ils sont propres ou pas. Les aisselles, tu lèves le bras, tu sens, hein. Ouais. T'es pas obligé de passer ta main dessus. Oui, mais le problème, c'est que tu vas pas mettre ta tête dans ta bite. D'accord. À moi, effectivement, d'être ça. Ah, mais il y a un entraîneur là. Comment il s'appelle, oui, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Ah ouais, c'était dégueu. Ouais, mais il bouffe ça, les crottes de nez, ouais, bon, il se lèche les mains. Ça, et... c'était en trop, ça. Ouais. Non, mais d'accord, mais alors, excuse-moi, Laura, mais une meuf, c'est-à-dire que tu fais ça quand, avant des rapports? Non, ça dépend, en fait. Ça dépend du moment de la journée, mais si je sens que c'est pas très frais, j'essaye d'aller aux toilettes pour passer un coup de lingette, on va dire, pour que ça sente meilleur, quoi. D'accord, bah écoute, c'est bien, au moins tu prends soin de toi, mais c'est vrai que ça me choque un peu parce que là je suis en train de t'imaginer en train de faire un contrôle du dos et j'aime pas trop cette image. Ouais, moi non plus. Ah, vous avez... Non, mais j'essaye de faire ça discrètement, enfin, je sais pas, avant d'aller à un rendez-vous ou des trucs comme ça, quoi. Bah, bon, écoute, l'ont fait. Sinon, si t'as un doute, t'as la lingette et c'est parfait la lingette, hein. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, j'ai pas non plus le gros paquet de lingette tout le temps sur moi, après ça paraît suspect. Mais quoi, du coup, qu'est-ce que tu fais si par malheur c'est pas bon, quoi? Bah, lingette. Bah, soit un petit coup de lingette, sinon dans mon sac j'ai toujours une petite bombe de déodorant intime. Ah, ça existe, bon, ça existe, ça? Oui, ça existe, et franchement c'est, enfin, je trouve ça pas mal parce que du coup quand il y a, enfin, moi je supporte pas quand il y a une petite odeur, enfin, nous les femmes quand on a nos règles, on a toujours une petite odeur, en fait. D'accord. Donc du coup je déteste une petite odeur, je préfère sentir le déo, c'est trop pour moi, et que ça soit frais. Tu sais, voilà. Laura, il y a tous les mecs là qui nous écoutent qui viennent de zapper sur une autre radio, donc tu les as dégoûtés, et voilà. Je te le dis, oui, mais c'est naturel. Et cela dit, les gars, Laura nous a appris qu'il y avait des déodorants intimes. Et ça, c'est cool. Et je viens de regarder, effectivement, ça existe. Ok. Et ça a l'air pas mal, c'est pas très cher. Mais ça fonctionne comment? Bah, comme un déodorant. Bah, comme du déo normal. Dans ta bouche, tu mets. Tu mets sur tes sous-vêtements ou directement en application, mais il faut faire attention, quoi. Mais c'est un déodorant pas habillé, hein, Thibaut. Hein. Tu te crois pas, Bon, et bah, tu sais quoi, Laura? Merci de nous avoir rappelé parce que c'est courageux de venir raconter ça à la radio. Merci. Oui. On t'embrasse, Laura. Pas de soucis, gros bisous. Bisous, ma belle. Bisous, salut, à bientôt. Bye. Oh la vache. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a du truc? Du truc? Oh non, excusez-moi, j'étais encore bloqué sur la bille de... Moi aussi, parce que t'as l'image, mec. Oh, ouais, ça me fatigue. C'est pour alors, ça. Hashtag le night show, continuez à réagir si vous aussi vous faites des trucs de mec alors que vous êtes une fille, ou inversement. Voilà. C'est ça. Oui, voilà, exactement. Alors, Antoine 21, moi aussi j'utilise les déos de mes sœurs parce que ça sent meilleur. Ouais. J'ai déjà utilisé une lingette intime de ma meuf pour les mettre sous mes aisselles. Ah, ah y a ouais. Ça. Et il y a autre chose que les mecs font parfois et n'assument pas, c'est les serviettes hygiéniques sous les aisselles. Ah, c'est ça, non? Ça, c'est un très bon antitranspirant. C'est une petite astuce. Si vous transpirez beaucoup sous vos chemises, tout ça, vous collez, en fait, parce que ça colle, hein, une serviette intime, sous vos aisselles, et du coup, ça absorbe tout. Et c'est discret, et comme ça, il n'y a pas du tout de traces. Ouais, c'est très pratique sur les chemises claires, notamment. Exactement. Alors, David, j'utilise le shampoing sec de ma meuf. Ouais, ça, c'est bien, ça. Je prends le rouge à lèvres de ma meuf pour me rendre plus beau. Ça, c'est bizarre. Ok, pourquoi pas. Comment tu peux te rendre plus beau avec un rouge à lèvres? Je sais pas. Par contre, il y a plein de mecs qui utilisent des anti-cernes et tout maintenant. Ah oui. Bah maintenant, c'est courant. Dans l'équipe, il y en a un, hein, qui utilise des anti-cernes et tout. Eh, moi, quand j'ai une sale tête le matin, anti-cerne. Par contre, c'est pour mecs. Bah oui, non, mais c'est bien. Ouais. Maintenant, ils font de tout. Ils font même de la poudre et tout. Hein. Ouais, c'est vachement bien. Ah, c'est super. T'as autre chose à mire ou pas? Ouais. Luc qui dit, moi, j'utilise la pince à épiler de ma meuf. Ouais, il faut s'épiler. C'est bien, les garçons. Elodie, je prends le déo de mon mec. Ah, comme quoi, en fait, ça va dans les deux sens. C'est sûr. Et puis, il y a beaucoup de ça. Hein. Le déo? Ouais, le déo. J'ai déjà pris le caleçon de mon mec, de la part de Valentine. Comme moi. Je prends le parfum de mon mec. Je prends la gourmette de mon mec. Mais c'est vrai, ça, que nous, on a tendance à piquer le parfum de nos mecs. Parce qu'une nana qui sent le parfum d'homme, ça va. C'est même plutôt sexy. Alors qu'à l'inverse, moi, j'ai jamais connu un mec qui portait un parfum de femme, quoi. Ah non, ça, c'est vrai. Tu vois, genre. Non, c'est bizarre. Non. Ça fait pas viril, quoi. Mais un truc hyper sucré, c'est un peu chelou. Hein. Ouais. On n'aime pas ça. Mais continuez là avec le hashtag. Et puis nous, on va se retrouver dans un instant avec le Pokélost. Ah oui. Ce jeu où vous faites croire à papa ou maman que vous êtes perdu en jouant à Pokémon Go. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire c'est très con, mais c'est très drôle. Oui. Donc ne bougez pas. Puis on continue de faire de la radio ensemble jusqu'à minuit. 01 42 48 5000. Et maintenant, le nouveau Feder sur Fun Radio, c'est une bombe. Tchat. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. Strong, my face. I tell them, don't go. Wheel up, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. Sure. And once we run the show, sure, everyone will know, sure, that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Fun Radio, c'est Marion et Anso, on est encore ensemble en direct là jusqu'à minuit. Et puis déjà dans un instant on va parler fionfion, donc c'est un peu ce qu'on aime beaucoup faire aussi dans l'émission. Ouais. Et si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo sur YouTube, notre chaîne, la Marion et Anso, allez la voir, elle concerne Thibaut Alaria. Ouais. Ça permet de mieux connaître la personne qui s'est tombée sur commande. Il est allé piéger des gens en tombant comme ça sur les Champs-Élysées, c'est hyper marrant. Attention évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est un professionnel. Sécurité, hein, sécurité. Lost. Sur Fun Radio. Ça fait partie des nouveautés de la saison et on sait que vous l'aimez bien ce jeu. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir sur la chaîne YouTube Marion et Anso, il y a une vidéo. En gros, le principe, c'est très simple, Anso. Tu es un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Tu appelles maman ou papa pour lui faire croire que tu es perdu en train de chasser du Pokémon. Du ratata, du... Rafouti. On connaît pas un seul. Elle. Le but, c'est qu'il stresse un peu, qu'il s'énerve, et s'il accepte de venir te chercher, et ben bim, c'est gagné pour toi. On t'envoie à Londres cette semaine. Vas-y, dans sa donne-moi-en d'autres. Salamèche. Salamèche, Pikachu. Voilà, tous. Thibaut Alaria. Bah, j'avais Salamèche, du coup, tu peux piquer le mien. Ah, c'est connu, ça. Mais voilà. Yannick au standard. Tortank, Topiqueur, Super Topiqueur. Ok, monsieur est un expert du Pokémon. Super. Bon, on joue avec Myron ce soir de Saint-Quentin. Bonsoir, Myron. Bonsoir Marion, bonjour Aranso. Ah bah c'est sympa, t'as un nom de Pokémon toi aussi. Ça va bichon. Ouais. La meuf mais sans respect. Oh mais non, mais en plus t'as l'air d'avoir une voix trop mignonne, t'as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, d'accord. Bon, t'as bien compris le principe du jeu? Ouais ouais. Ok, du coup on appelle qui, papa ou maman? Papa. Mmh, il stresse facilement papa, il s'énerve vite? Ouais ça va, s'énerve un peu vite. Ok, et il s'appelle comment? Jérôme, on appelle Gégé. Allez, on y va, on appelle Jérôme. Hésite pas à lui dire que t'es dans un endroit hyper flippant, hyper glauque. Ouais. Ouais, ok. Bonne chance, petit homme. Au nom de Pokémon. Et au nom de la vie. Tes billets d'avion sont au bout du couloir. Allô? Ouais, papa? Ouais. Ouais, et dis, tu vois, j'étais avec Lorenzo chasser des Pokémon. Ouais. Ouais, et j'ai vu sur mon radar qu'il y avait un Pokémon rare dans un patelin. Ouais. Du coup, on a fait du stop avec Lorenzo. Et ah bon, en fait, pour aller chasser le Pokémon. Bah, t'étais où? Bah, justement, je sais pas. Et on a fait du stop et puis il nous a déposé quelque part, on sait pas où on est en fait. Bah comment tu veux que je te retrouve moi? Je sais pas, télécharge l'application. Comme ça, moi, tu verras, il y a une reine, même il y a une église. Comme ça, moi, tu pourras voir. Une église. Bah, une église, il y en a partout, Myron. Télécharge l'application. T'es chiant, Myron, sérieux. Me fais pas chier, tu télécharges l'application, c'est tout. Ouais, comment tu me comptes, Myron, là? Écoute, non, mais c'est bon. Je vais te dire un truc, tu sais, je vais venir te chercher. Bah, je te jure, tu vas passer un sale quart d'heure, je te jure, c'est vrai. Tu commences à m'emmerder avec ton application, ton machin, là. Ça commence à bien faire. C'est bon, wesh. Ah, tu m'emmerdes, Myron, hein, sérieux. Hein. Eh, c'est quoi ton portable? Tu vas me le donner? Je veux plus que tu l'aies, ton portable. Je crois t'es pas. T'es où, là? Passe-moi ton copain, là. Bah, non, wesh, on est perdu, c'est pas où on est. Bah, passe-moi là. Pourquoi tu veux le passeport? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, mais je suis désolé, on s'est perdu, du coup, avec Myron. Ah, mais attendez, c'est pas du sérieux, ça, sérieux. Ouais, bah du coup, on a fait du stop. On sait pas si on a fait plus de 10 km ou 40. Bah, vous avez fait du stop comment? Bah, on a levé le pouce. À 14 ans, vous faites du stop comme ça? Bah, ouais, vous êtes vraiment abruti dans votre tête, sérieux, hein? Bah, oui, on est un peu concon, mais faudrait venir nous chercher. Ah, ouais, mais bon, je vais venir le chercher, mais ça commence à bien faire, hein. Il y avait Pikachu qui rôdait, donc fallait qu'on. Pikachu! Bah, Pikachu, il y en a partout de Pikachu, hein. Non, c'est rare à trouver, on n'arrive pas. Ah, oui, mais arrêtez, vos trucs de bras, là. Pokémon, faut arrêter quand même. Bah, je vous passe Myron, du coup. Merci bien, merci. Allô? Allô? Ouais, Myron, ouais. Attends, tu viens me chercher ou quoi? Vas-y, je vais venir te chercher. Mais laisse-moi le temps. Ok? Non, mais t'es sérieux? Pour l'instant, tu te débrouilles, hein? Non, tu vas me chercher tout de suite. Bah, tout de suite, c'était marrant, toi. Attends, je sais même pas où t'es. Hey. Bah, si, moi. Bah, tu télécharges l'application, tu regardes la reine, il y a une église. Bah, ouais, bah, laisse-moi le temps, attends, je peux pas. Pour l'instant, je vais le faire, mais laisse-moi le temps. Molo, hein. Ok. C'est quoi quand tu vas rentrer? Laisse tomber, hein. Longe les murs quand tu vas rentrer, hein. Attendez, les gars, on va peut-être intervenir parce que je crois que ça tourne mal. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Il s'est détendu d'un coup. Jérôme. Bonsoir, c'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio, Jérôme. Sérieux. Alors en fait, c'était une blague. Que tu te calmes. Non, Myron, déjà, détends-toi, tu dis pas qu'est-ce que tu me fais chier à ton père, hein. Bah, c'était pour le jeu. Non, mais même. Bah, c'était pour le jeu. Non. Il voulait l'énerver, le pauvre. Ah, bah, il sait très bien que je m'énerve facilement, donc. Mais il a compris, hein, Jérôme. Vous êtes un papa responsable, vous avez raison, on n'est pas censé faire du stop à 14 ans. Ah, bah oui, c'est pas. Non. Voilà. Ah, non. Mais c'est vrai que vous partez au quart de tour comme ça. Ah hein, ouais, je me suis demandé comment il a fait pour faire du sang parce que c'est pas normal, quoi. Avec le pouce. Déjà, il a du mal à sortir. Bon, alors, en tout cas, vous avez super bien réagi, vous avez accepté de venir le chercher, donc j'ai envie de dire, Myron, et bah c'est gagné, bravo. Ouais. Alors ça va du coup, Jérôme, quand. Ah ouais, bah je suis soulagé là. Quand Myron va rentrer, il est pas obligé de longer les murs. Hein. Bah non, mais bon, non. Mais bon, sur le coup, j'aurais bien voulu quand même, parce que là, c'est pas normal. Bah, détendez-vous, Jérôme. Bon, Jérôme, dites-vous que grâce à lui, vous allez pouvoir partir avec lui à Londres. C'est plutôt cool. Ah, ouais. Ah bah ouais, quand même, merci. Merci à Vueling Airlines qui vous offre vos billets d'avion pour Londres, c'est cool. Ah bah ouais. Sérieux, c'est cool, c'est vrai. Merci Marion. Ah, de rien. Je t'en prie, Marion. On vous embrasse tous les deux. Au revoir. Merci. Dans un instant sur Fun Radio, ça y est, ça va être le moment de parler cul, de parler fion. Oh. Ça va être l'instant cul-fion. Oh. Pas d'idée, quoi. On avait cette question pour vous. Quel est le fantasme le plus inavouable? Votre fantasme caché, celui dont vous n'avez jamais parlé à personne. Venez nous le dire là en anonyme, 01 42 48 5000. Oh, bah on en parle juste après celui qui adore fantasmer sur qu'on est chouin. C'est Ken Jones sur Fun Radio. Rien à dire. Voilà. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabase. And I said, nah, boule. No matter where I go, you know I love them. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say, hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she says, I pass it. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Je ne m'en lasserai jamais. Kent Jones sur Fun Radio. J'adore ce son. J'espère qu'il sera jamais déprogrammé. C'est pour des années encore. Mais en fait, c'est lui qui a remis à la mode le mot konnichiwa, en fait. Hein. Ouais, bah. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire bonjour, non, en chinois? Ouais, bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Ouais. Okay. Et voilà, il parle plein d'autres langues dans ce tube. En plus, on révise comme ça les langues, tout ça. C'est pas mal. Bon, 23h42, il est temps de parler cul avec toute l'équipe et avec vous au téléphone. On avait une question pour vous toute simple. Parce qu'on aime bien, on est curieux, comme ça on aime bien en apprendre un peu plus sur vous. Quel est votre fantasme le plus inavouable? On veut quelque chose que vous n'avez jamais dit, ou presque, à personne. Ouais, voilà. C'est-à-dire, on parle pas d'un fantasme genre faire des plans à trois, faire non. Tout ça, quoi. C'est vraiment le fantasme le plus inavouable. Le truc même où, qui nous fait un peu honte, quoi. Même un truc qui vous est passé une fois par la tête, mais genre ça vous a marqué, quoi. Ouais. Même ouais. Si ça vous dégoûte, mais en même temps ça vous excite, enfin bref, on se lâche. Marion, c'est quoi ton fantasme le plus inavouable, toi? Bon, moi je vais dire un vrai truc, j'ai pas de fantasme trop trash et tout ça, mais j'ai un vrai fantasme que je pense que je ne ferai jamais, qui restera dans l'ordre du fantasme, c'est coucher avec un inconnu, un vrai inconnu, un mec que je ne connais pas du tout, ni son prénom, ni rien, ni sa profession, rien du tout, ni le son de sa voix. On le met dans ma pièce, genre il me plaît de ouf physiquement, et là faut y aller quoi. Ah genre, vous vous êtes jamais parlé, mais c'est un truc qui n'arrive jamais à personne, ça. Bah si, c'est un viol, sinon. Non, ça va pas. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais t'es malade, toi, non, dire des trucs comme ça. Mais non, mais bien sûr, faut pas, mais c'est ce que non, tu racontes. Non, mais je suis désolée, là, je serais consentante, ça n'a rien à voir, Amir. Ouais. C'est juste que, en fait, c'est l'excitation de ne pas savoir qui t'a en face, tu vois, qui ouais, me fait. Ouais, je comprends. Après, ah, évidemment, bon, je le ferai jamais, et je pense qu'il y a des gens qui le font. Après, maintenant, avec les applis de rencontre et tout, ça arrive parfois que tu discutes très vite avec quelqu'un, et puis hop, tu le rejoins, et puis hop. Mais en règle générale, tu connais comme son prénom, sa profession et tout ça, quoi. Bah, moi, j'ai un de mes potes, il s'appelle Joris, à qui je fais un bisou. Sur Tinder, il avait écrit à une meuf, donc il n'y avait pas de photo, il avait liké, en fait, un truc noir, une photo noire, et la meuf, elle est venue, et il lui a dit, rentre chez moi à quatre pattes. C'est et elle est rentrée chez lui avec quatre pattes. Ouais, mais attends, ça c'est un risque parce que tu sais pas à quoi ressemble la personne. Surtout sur Tinder, parfois. Tu dis peut-être, moi qui suis sur Tinder. Ouais, oui, c'est un mec. Ouais, mais bon, quand même quand fille, même. Ça fait peur. Tu sais pas. Parfois, tu parles. Quand t'es un mec, tu parles avec des meufs. En fait, c'est des mecs. Ah, c'est vrai, ça. Mais oui. Ah non, faut faire super gaffe quand vous faites venir quelqu'un chez vous. Essayez d'aller boire un verre avant et tout ça, parce que si jamais c'est un gros psycho qui monte chez vous, vous êtes dans une merde. Mangez une glace, faites un truc, quoi. Bon. Ouais, vers Montmartre. Ouais. Oh, arrêtez, on rentre dans la vie perso d'Anso, ça va pas, les gars. Oui, Anso a des rencarts de prévu cette semaine. Bon, ah, il écoute là. Ouais. Bon, bah bisous à lui. Anso, justement, il va être content. Ton fantasme le plus inavouable, qu'est-ce que c'est? Moi, ce serait. Moi, j'ai toujours voulu me taper un médecin. Je trouve qu'il y a un truc hyper hyper sexy là-dedans. D'accord. C'est-à-dire que tu vas forcément un beau médecin, quoi, un mec qui est canon. Tu vas dans son cabinet, il t'ausculte et puis d'un coup, ça dérape. Mais genre, ça hyper sexy. Genre plutôt quoi, dentiste, gynéco, tout ça? Non, pas ni l'un ni l'autre. Enfin, je sais pas trop. Plutôt pas dentiste déjà, hein, mais. Généraliste. Ouais, on s'en fout quoi. Kiné. Enfin, dentiste. Un kiné. Mec en un kiné. Ouais, parce que kiné, c'est charnel. C'est il te pas un médecin. Tout, bah oh. Arrête, si. Un kiné, c'est pas un médecin, je suis désolé. Rabat joie que t'es. Ah, du coup, je dis la vérité, c'est tout. Non, mais un truc comme ça quoi. D'accord, bah merci Anso. Je m'attendais à plus trash de toi. Je suis contente. Bah non, j'ai pas trop de trucs trash hein, en vrai. Hein. Ok. Est-ce que Enzo, tiens, au standard, ouais. Est-ce que t'as un fantasme? Bah non, j'ai pas trop de fantasme moi. C'est sûr. Écoute. Ah, c'est pour ça. Bah si, j'en ai un en fait. Ah bah vas-y, c'est quoi? Me taper la sœur d'Amir. Ah oui. Petit fantasme oui. Perso. Ah c'est très bon. Appelez-nous 01 42 48 5000 vous aussi. Venez nous raconter vos fantasmes les plus inavouables. Même un truc qui vous fait honte, vous pouvez passer en anonyme, y a pas de souci. 01 42 48 5000, on vous attend. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Ferdinand, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno sur Fun Radio. Ça suffit, mec. Ferdinand, on ne sait pas ce que tu es en train de faire au téléphone. Gênant, hein. Si, justement, on sait. C'est ça qui nous gêne, en fait. Tu m'as envoyé une facture de 206 euros. Qu'est-ce que c'est? C'est la facture d'un hôtel à Noirmoutier avec ma copine. C'est très joli, Noirmoutier. Oui, et il y a eu le film Coup de foudre à Noirmoutier. Voilà. Ferdinand, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. Ah, c'est gentil, c'est génial. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Fun Radio. Partout dans le monde. Sur funradio.fr. Fun Radio. Salut, c'est DJ Snake. Sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Les sons dance floor. Sorry, I ain't got no money. I ain't gonna run away. suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Et on voit là tous vos messages sur le Pokélost sur les réseaux sociaux. Et bah juste sachez qu'on va le réécouter dans la semaine. Parce qu'il était énorme avec le papa du Nord. Du coup, on se le refera. Franchement, c'était drôle. Ouais, et tout le monde dit mais comment il parle mal à son père, c'est un truc de ouf et tout. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons été là pour le recadrer. Mais oui, cet enfant est dans le droit chemin maintenant. Et il nous écoute pour entendre parler cul. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. On vous posait la question, quel est votre fantasme le plus inavouable? Bah, c'est le sujet du soir. Appelez-nous 01 42 48 5000. Alors je vous rassure, évidemment, on change de prénom. On n'a pas demandé à Amir des réseaux sociaux aussi. D'ailleurs, Amir, c'est quoi ton fantasme le plus inavouable? Le plus inavouable, j'aimerais bien me taper une actrice française. C'est ça, inavouable? Bah ça va, tout le monde a ce fantasme. Non mais surtout, dis-nous qui. Bah oui. Qui? Je sais pas. Il faut qu'elle soit blonde. Ah bon? Ouais. Mais c'est pas ton truc les blondes pourtant. Ah si, j'aime bien les blondes moi. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Mais les vraies blondes, genre les vraies de vraies. Hein. Ouais, d'accord, genre, bah ta gueule. Genre, mais quoi? Parce que je suis pas une vraie blonde. Bah si, t'es une vraie blonde. Ouais. Non, mais ça, Amir, c'est un fantasme que tout le monde a, se taper quelqu'un de connu, c'est pas inavouable. Est-ce qu'il y a un truc vraiment inavouable qui t'a traversé l'esprit et tu t'es dit non, ça je le ferai jamais, c'est too much? Je sais pas, moi, coucher avec un mec, faire un plan à quatre, je sais pas. Non, c'est pas ma cam. Non, si, une MILF. Ah ouais, ah ouais, une MILF, ouais. Un peu plus inavouable. Mother, I like to fuck. Ouais, mais vu que j'ai une tête d'enfant, c'est tombé, c'est mort. Bah, justement. Mais il y a d'autres critères qui font que c'est mort aussi. Pourquoi? Bah, parce que elles vont pas me prendre au sérieux, ça sert à rien. Ouais, c'est possible. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on a Valentine de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Valentine. Es-tu une MILF? Bonsoir, et non, désolée. Merde. Elle a 24 ans, la valuche. Ouais, tout jeune. Ça va, Valentine? Ça va très bien, merci. Alors, dis-nous, c'est quoi pour toi le fantasme le plus inavouable? J'aimerais bien faire l'amour. Ah ben. Sur, oui, c'est déjà pas mal. sur une estrade, genre un théâtre, ou enfin, vachement devant 200, 300 inconnus. Ouais. En fait, Valentine, tu veux dire que tu veux faire un film de cul, mais au théâtre, quoi. Ouais, c'est ça. En gros. En gros, t'as envie que les gens te voient en live, quoi. C'est ça. Ah ouais. Ah non, ça, moi, je pourrais pas. Hein. Moi, je serais trop complexée. Ça existe, ça, vous croyez? Bah, Périscope, quand tu peux. Ouais, mais non. C'est live. Pareil, les gens sont pas, ils peuvent pas, ils sont pas devant toi, quoi. Si, il y a des clubs libertins où tu peux niquer et puis il y a plein de gens qui te regardent. Ouais, bien sûr, mais pas 300 personnes, tu vois. Eh bah, ben, si ça se trouve que si. Ouais. Et là, ce qu'elle aimerait, je pense, c'est un truc en plein air, c'est ça? Genre un stade, quoi. En plein air, ou ouais, vraiment un théâtre, enfin un truc où les gens sont là, mais que pour me regarder. Enfin, Valentine va faire comme Johnny Hallyday, ouais. La tournée du stade. Mais Valentine, t'aurais pas peur que les gens se disent ah non, là elle est nulle, oh non, regarde, elle a la cellulite, enfin tu vois, genre qu'ils jugent quoi. Non, ouais. C'est plus les mecs qui sont jugés. Bah non. Bah, non, moi j'aimerais bien qu'ils s'excitent tous dans la salle en me voyant. Attends, excuse-moi Valentine, voilà. Mais ce sera un beau bordel. Oh non, quelle horreur. Ok. Bon bah pourquoi pas. Merci de t'être livrée sur Fun Radio. C'est gentil Valentine. Ouais, je vous en prie. Bisous coquinette, on t'embrasse. Bisous, bonne soirée. Bisous Thibaut à l'area. Est-ce que tu as un fantasme complètement inavouable? Bah, moi j'ai pas vraiment de fantasme genre sexuel, donc je me contenterai de vous garder dans le fond de mon cœur et pour moi ça me suffira déjà. Oh là là, Taillot 2000 quoi. Mais c'est clair, c'est pas possible. Mais j'y crois pas, ta meuf écoute, mais dis-nous, t'as forcément un fantasme inavouable. Un truc un peu crado quoi, un truc, je sais pas. Ouais, allez. Non, franchement, le délire de coucher genre avec 15 meufs en même temps, ouais, ça pourrait m'exciter. Le mec il passe de j'ai pas de fantasme, je veux coucher avec 15 meufs en même temps. Tu peux être sûr mec que tu peux pas assurer avec 15 meufs. Non, franchement, je sais déjà avec une, j'ai du mal, mais franchement, t'as toutes les nanas autour de toi, t'es là, genre elles te font des papouilles, des bisous, des câlins, et puis de temps en temps, bah, t'es avec une, après t'es avec l'autre. Ouais. Ouais, tu le délire harem quoi. Ah, un peu ça. Et elles veulent tous que toi, genre pas d'autres gars, genre elles viennent que pour toi aussi. Ça marche, ça c'est un bon fantasme inavouable. Ça marche. Ouais, pas mal, pas mal. Il y a Maxime à Montpellier qui est avec nous. Bonsoir Max. Bonsoir les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Si je peux juste me permettre pour Valentine, je connais un endroit pour elle. Ah quoi? Le Cap d'Agde. Ah oui. Ah ouais. Bon, il y a pas que ça là-bas, mais c'est vrai que c'est possible. Non, puis au Cap. Ah, ça va mater. Non, mais quand tu vas au Cap d'Agde, en plus Maxime, tu te balades tout nu, mais les gens font pas l'amour, c'est interdit. Si tu peux, tu rigoles. Sur les dunes, derrière les dunes. Ouais. Ah, je l'ai fait, moi. Non, j'y étais. Sur la plage, hein. Ouais. Il y a des plages exprès, ouais. Ouais. Attends, attendez, excusez-moi. Il y a des plages naturistes, mais il y a vraiment des plages juste pour Ken. Alors, faut savoir que la journée. Des plages où ça nique bien. La journée, c'est les naturistes, les purs naturistes. Ah ouais, même la journée, ça nique. Et le soir, pour le coup, c'est vraiment des gens qui niquent. Excusez-moi, je crois que Maxime. Mais écoute, si vous voulez, je vous emmènerai avec moi au Cap d'Agde et puis je vous montrerai les endroits bien. D'accord. D'accord. Eh ben, on se fera ça, mon pote. Bah dis-nous ton fantasme. Oui. On t'écoute maintenant. En fait, moi, mon fantasme, il y a un truc, j'aimerais essayer au moins une fois dans ma vie pour dire que je suis pas mort con. C'est le God Censure. Oula. Ah, comment ça? En actif ou en passif? Mais de l'autre côté, du mauvais côté. En fait, le principe, c'est que Maxime, il veut être avec une fille qui met un God Censure et qu'il se fasse pénétrer par sa copine, quoi. C'est ça? C'est ça, Maxime. Voilà. Ah d'accord, bah pourquoi pas, effectivement, il faut pas mourir con et ça peut être sympa d'échanger les rôles, en fait, c'est ça qui t'excite. Après, mourir con. Voilà, et puis une histoire de fois de tester ce qui se passe quand t'es de l'autre côté, quoi. Non mais après, c'est pas, franchement, c'est pas impossible, il suffit juste que tu tombes sur une partenaire qui soit compréhensive, ouverte et ouais, c'est pas impossible. C'est un peu difficile à expliquer. Bah, ça dépend. Ouais. Si tu le dis que c'est dans le cadre d'un fantasme, et parce que justement, t'as envie de tout tester avant de mourir, comme tu dis... Pourquoi pas? Moi, je suis pas sûre que ça me plairait de le faire, hein, en revanche. Ouais. Imagine-toi que ton mec te le demande. Eh ben, je te dis, ce sera probablement non. En fait, ce qui est compliqué pour nous, Max, c'est d'imaginer notre mec en position de fille, tu vois. Là, il perd toute sa virilité, il est à quatre pattes, et c'est compliqué pour nous, parce que nous, ce qui nous excite dans les rapports, c'est justement le côté dominant, homme fort, il fait ce qu'il veut de toi, bim, tu vois. Là, quand même, faut être prêt psychologiquement, quoi. Ouais. Écoute, c'est un fantasme inavoué. Un jour, tu vois, j'aimerais bien, c'est histoire de dire, je suis pas mort con. Bon, okay. Bah écoute, pourquoi pas. Réfléchis-y, fais-le, Maxime. Et quand tu le feras, surtout, tu nous rappelles. Ouais, ouais. Parce que j'ai suffisamment l'esprit tordu pour avoir envie de connaître tous les détails. D'accord, Max. On t'embrasse. Bisous. Bisous. Il y a Pierre aussi à Rennes. Bonsoir, Pierre. Salut les filles, comment ça va? Salut Emmanuel Chien. Oh non, c'est méchant. Salut Ren. Oh les sourcils. Ouais, et toi? Ouais, et par contre, tu cherchais une actrice française et milf blonde. Ouais. Tu peux prendre Mimi Mathis, tu veux? Ah ouais. Elle est, c'est une belle femme, écoute. Ouais. Bah ouais. Elle a un mec qui fait 2 mètres. Ouais. Ouais. Et elle l'avait rencontré pendant qu'elle jouait au théâtre, il était dans le public. Il est immense quand même. Il est chaud. Ils sont archi mignons ensemble, je trouve. Ouais, écoute. Ils vont bien. Bah oui. Bon, bah, alors, c'est quoi toi? Moi, le truc innovable, en fait, j'ai été en vacances professionnelles sur une île, là, il n'y a pas longtemps, et je me serais bien fait, j'aurais bien pris violemment la douanière qui me fait passer le contrôle à l'aéroport. Ah ouais, je comprends. Mais genre, là, comme ça, devant tout le monde à l'aéroport ou Ouais. Ah sincèrement, ouais. Vu comment elle était à peu près dans ton style, Marion, mais un peu plus grande. Ah ok, d'accord, avec frange et tout, quoi. Ouais. Oui, avec le garage à vélo devant, tout nickel. Merci. Mais, en tout cas, c'est chic. Mais Pierre, en tout cas, on est d'accord qu'il y a un côté aussi, t'avais envie de coucher avec avec elle parce qu'elle a un côté. T'es un peu soumis à elle quand tu passes les contrôles. Elle a le pouvoir. Et t'as envie de lui montrer que toi aussi, tu peux le faire. Ouais, et puis jouer un peu avec la matraque, machin, ça a pu être pas mal, quoi. Ouais, d'accord, je comprends Pierre. D'accord. Bah écoute, mon pote, t'as essayé de la draguer ou même pas? Quand t'arrives pas trop à aligner 2-3 mots d'anglais, c'est un peu compliqué, quoi. Ah ouais, effectivement. Ouais, je te confirme, Pierre. Oh bah un bon you are beautiful, I want to fuck, ça passe toujours. C'est classe en plus. Ça passe toujours, ouais. Avec cet accent en plus, c'est cool. Pierre, merci de nous avoir appelé Bichon. Merci. Par contre, si elle veut, Valentine, je veux bien l'aider, hein. Y a pas de problème. Bah tu sais quoi, on va te repasser le standard et puis tu vas gérer avec le standard et Valentine, d'accord? Ouais. Ça marche. Valentine, Pierre. C'est le stade. Bienvenue, ciao. Ouais, Valentine, c'est faire l'amour dans un stade. Ouais. Y a Loïc aussi à 3. Bonsoir, Loïc. Salut l'équipe, salut les filles. Ça va Loïc? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Loïc, bon, allez, un peu de sérieux. Dis-nous tout. Alors mon petit fantasme, c'est en fait de faire l'amour avec la meilleure amie de ma copine, mais devant elle. Oh là là. Wow. Alors là, je te confirme que c'est inavouable auprès de ta meuf. Bah carrément. Ah ouais, mais pourquoi elle t'excite à ce point sa copine? Je sais pas, enfin... C'est une fille hyper gentille et tout, puis bon, ben voilà quoi, elle est pas moche non plus. Mais alors attends, ce qui te plaît, c'est que ta copine actuelle vous voit, etc., et que ça t'excite, parce qu'il y a un côté interdit, ou c'est vraiment juste l'autre qui te plaît à mort et du coup t'as envie de te la taper? Là, c'est les deux en fait. C'est les deux. Et en fait, j'ai l'impression que ça a vraiment été un bon coup, sa meilleure amie. Ouais. Et le fait que ma copine me voit en train de lui faire l'amour, je sais pas, je sais pas. D'accord. Mais tu comprends, c'est les deux. Mais t'imagines bien la peine que ça peut faire à ta meuf aussi. Bah ouais, après, ça dépend dans quel sens on prend. Après, ça dépend de l'ouverture d'esprit. Alors, c'est clair que c'est impossible à avouer, quoi. Ouais, demain, je vais pas aller la voir. Ça te dirait, je fais l'amour à ta meilleure amie, tu nous regardes. Non, c'est à sortir comme ça, voilà, quoi. Il y a moyen que tu te prennes un vent, effectivement. C'est difficile. Et, ouais, et même plus qu'un vent, je pense. Je pense que je prends mes affaires et je peux partir. Anso, tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est difficile d'avoir une meilleure amie bonasse. Genre mannequin, trop belle et tout. Parce que t'as toujours le flip de la présenter à tes mecs. Non? Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, bah Justine, hein, qu'on connaît. Elle a des jambes qui font 8 mètres, elle a des seins énormes. Ouais. Elle est bonasse, quoi. Ça ouais, me saoule. Et il y a déjà des mecs à toi qui ont craqué sur elle ? Bah non, enfin, en tout cas, ils m'ont pas dit, j'en sais rien, mais peut-être qu'ils ont eu très envie de lui faire l'amour devant moi. Mais c'est vrai que toi, t'as plein de copines bonasses. Hein. Ouais, moi, j'ai plein de copines bonasses. Moi, je suis la moche du groupe. T'sais. Non, ah, je suis pas d'accord. Mais c'est pas vrai. Ouais, moi, je trouve que t'es la plus belle du groupe. Non, mais vous êtes trop mignon. T'as du chien, toi. Ah, mais c'est gentil. Toi, alors toi, t'es pas belle, mais t'as du chien. Non, parce que t'es ça pétillante. Tu vois, ouais, déjà elle pue le cul, Anso. On sent qu'on va pas s'ennuyer avec elle. Bah, et puis, elle est drôle. Elle est drôle, et puis voilà, certes t'as des formes, tu vois, mais t'es bien proportionné quoi. T'es bonasse. Mais les gars, vous voulez me vendre aux gens ou quoi? Oui. Non, puis t'as un regard coquin aussi. Ah, c'est cool, Thibaut, ah, merci. Comme ton rancard de cette semaine, écoute, on veut te vendre un peu quoi. Là, hein, on l'embrasse toujours d'ailleurs. On l'embrasse. Loïc, oui, oui. Les filles, je pense qu'en fait, c'est le fait aussi de vouloir l'inaccessible. Et ça, bah je pense que c'est le propre de l'homme, et le fait de qu'on sait qu'on peut pas l'avoir. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a ça aussi, ça entretient le truc. C'est une belle auto-analyse que tu viens de faire, Loïc. Ouais, je pense que ça ne concerne pas que moi, donc ça. On t'embrasse. Bisous, mon chat. Ouais, courage à tout le monde, changez rien. Salut. À bientôt. Merci. Bisous. Ouais. Bon, l'équipe, dans quelques instants, on va accueillir Miko C pour partie des Fun Deep. D'ailleurs, je vais arriver à le dire. Ça va, Nico? Stop. Je t'emmerde. Ouais, c'est là. Mais avant ça, merci d'avoir passé la soirée avec nous. C'était énorme. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée, l'équipe? Ouais. Super soirée. Ouais, vous allez manquer. Petit tour de table, Anso, qu'est-ce qu'elle a retenu, celle-là? Moi, globalement, j'ai retenu que Wacha était beaucoup plus à l'aise chez moi que dans un studio de radio. Ouais, c'est vrai qu'on a fait venir Wacha, c'était énorme, la vidéo à retrouver là demain sur la chaîne YouTube. Amir ! Moi, j'ai retenu que Anso a un rancard à Montmartre et elle va devoir bouffer de la glace. Ouais. C'est quand déjà ? Mardi, ouais. Ok. Mardi. Et comptez pas sur moi pour tout vous raconter parce que le pauvre, il écoute et ça se trouve, il va plus avoir envie de me voir. Mais si, t'inquiète. Si. Elle raconte pas tout, je te rassure. Eh non. Un peu, mais pas tout. Enzo ! Moi, j'ai appris que Thibaut, il portait des ceintures de meuf. Ouais, oui, c'est vrai. Thibaut, justement. Eh ben, moi, j'ai appris qu'il y avait des déodorants exprès pour les chattes des meufs. C'est bien dit, c'est classe. Tellement classe. Et toi, moi, Marion? J'ai appris que Capucine Anave, notre invitée, était une grosse mytho au bahut. Ouais. Elle s'est livrée, ouais. Elle a dit qu'elle mentait tout le temps. Voilà, sympathique, ouais. De sa part. Et somnambule, oui. Aussi à l'époque. C'est vrai, on a passé une bien bonne soirée. En tout cas, Miko C, est-ce que tu as retenu quelque chose de cette soirée? Ah, t'es dans la merde là. Non, j'ai retenu qu'il y a peut-être encore des téléphones, selon Capucine, des téléphones avec la touche bis. Et ça, c'est vrai. Je vais, mon Miko. Gentil chat, il écoute toujours. Bon, bah, on va vous laisser avec lui. Manquez pas Party Fun Deep parce que c'est toujours cool de finir dimanche avec ça, j'adore. Et puis, bah, nous, on se retrouve demain en direct à partir de 22h. Celui qui vous réveille, c'est Bruno et toute sa bande là à 6h. On se quitte en chanson? Ouais. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. De rien. Jusqu'à 1h. 1h. C'est Party Fun Deep. Sur Fun Radio. Let's go. Party Fun Deep. Party Fun Deep. Avec Miko C. On Fun Radio. Party Fun Deep. Marion et Anso, j'ai une question pour vous, les filles. Est-ce que faire l'amour sur Party Fun Deep, c'est un fantasme inavouable ou pas? Ouais, mais c'est fait, mec. Ouais. Ah, c'est fait. Voilà. Ah ouais. Il n'y a pas les vidéos sur la chaîne Marion et Anso, je suis désolé. Ah non, mais c'est fait. En tout cas, mardi, c'est sur Paris, direction Montmartre. On y sera, Marion et Anso. On viendra faire des vidéos, nous aussi. Allez, Party Fun Deep, saison 2, épisode 2 dans le quart d'heure. Kungs, le remix de This Girl, Bob Sinclair et Filatov et Karav, c'est eux qui ont mixé Imani avec Don't Be So Shy. Voici le son qui s'appelle Tell Me To My Heart. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? Je voulais faire quelque chose, moi. Oh putain. Je vais lancer le disque, ok? Bah, allez, vas-y, calme l'intro. Hello, c'est super. On s'ambiance. Welcome and ball, tout le monde. Party Fun, Miko C. Oh, jusqu'à 1h. On est ensemble. Bisous. I feel the night explode when we're together. Emotion overload in the heat of pleasure. Take me, I'm yours, into your arms. Never let me go. Tonight I really need to know. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one.

là. Dans Party Fun avec Mico. Party Fun avec Mico C. Fun Radio, le son dance floor. Oh, Party Fun. Party Fun Deep. Avec Mico C. Sur Fun Radio. Fun Radio. Life is a drink.